Nasser, bonsoir et bienvenue. Vous avez ce soir le frère Iba qui nous écoute maintenant. Le frère Iba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir au frère, je crois que sa vidéo est fermée. Et il va devoir ouvrir sa vidéo pour que le frère Iba plus le voit également. Et la sœur, comme d'habitude, parle à voix basse. La sœur, bonsoir et bienvenue dans Blues Blanche dans la sainteté. C'est la sirène qui fait des bruits, c'est pour ça qu'on ne t'entend pas bien. Bonsoir. Voilà, je crois que la sirène va se baisser. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Bonsoir, donc j'ai dit donc bonsoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ce soir. Là, il a encore baissé le volume. Le frère. Bonsoir, mon Eh frère. bien, voilà, on t'entend maintenant. On t'entend maintenant. Et la nouvelle venue, c'est celle qui vient tout juste d'arriver, la soeur Karine du Canada. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les frères. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard. Ça fait 2 minutes 35 secondes que nous avons commencé. Tu peux regarder à l'angle gauche de ton écran. Ça fait vraiment quelques minutes seulement que nous avons commencé. Amen. Je ne me vois pas. C'est Oui, parfait. nous Très voyons seulement rapide, la très rivière qui rapide. coule comme une biche dans une terre desséchée. Le frère Yaya Lewis, ça c'est son pseudonyme. Vous savez, pseudonyme, pseudo, ça veut dire mensonge, le nom mensonger. Le frère Yassine, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mes frères. Bonsoir. J'espère que Donc, tu n'es pas des gardes, n'est-ce pas? oh, c'est vrai que je suis pas de garde, mais je suis en visite chez des frères et c'est pourquoi je me suis retiré à l'extérieur pour pouvoir partager avec vous, quoi. Oui, c'est la raison pour Donc, laquelle. ce soir, ma caméra ne sera pas disponible. Mais bon. Ok. Bon, il n'y a pas de problème. Ce qui est disponible, c'est pour que tous ceux qui sont sur la chaîne YouTube Bamba Iba, pas le Bamba Iba qui est présent ici maintenant, mais le Bamba Iba qui est la personne, quoi, non, la personne morale cette fois-ci, des enseignements sur YouTube. Donc, voilà le frère Lewis que vous le voyez dans sa voiture. Bon, là, il a éteint la lumière. Bon. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je vous présente donc le docteur Bamba Iba. Bonsoir mon frère, Bonsoir. bienvenue, content de te voir. Le plaisir est partagé. Content également de vous voir, de vous connaître. Oui, je crois que Le lui, Seigneur vous bénisse. je crois que lui doit se présenter également, comme on connaît déjà le docteur Bamba Iba. C'est le frère Yacente. Ah, je n'ai pas suivi la question, ou bien je n'ai pas suivi ce que tu as dit. Juste les présentations d'usage et d'entrée. Voilà. Donc lui, c'est le docteur Bamba Iba. Auteur de la chaîne d'enseignement à problème Bamba Iba. C'est lui le problème. C'est pour ça que vous voyez souvent sur YouTube, on dit fouillez le faux prophète Bamba Iba du Cameroun. C'est lui dont c'est les questions. Et d'autres qui disent Bamba Iba, qui t'a commissionné, qui t'a envoyé, quelle est ta commission? D'autres qui disent Bamba Iba, connard, c'est de lui dont c'est les questions. Alors, le frère Iba, comment vous allez de ce côté? Ben écoute frère, ça va très très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et on espère autant pour tous les frères et pour toutes les sœurs partout dans le monde. Amen, amen. Nous sommes heureux de ta présence aujourd'hui pour venir rehausser le blason de cet enseignement pour pouvoir éclairer les uns et les autres sur les différents thèmes que nous allons aborder dans cette tranche consacrée à ses frères et sœurs qui souffrent des pathologies physico-magico-spirituelles et dont beaucoup de C'est personnes ne ça. savent pas comment, quelle direction prendre lorsqu'il s'agit de ne pas se compromettre par rapport à la foi. Donc nous sommes là pour étayer, c'est un sujet de l'ordre de la médecine, et voir à quel niveau se trouve le naturel, à quel niveau donc commence le spirituel. Que Dieu vous bénisse et bonsoir ce soir. Amen. Donc, Amen. Donc Bonsoir. sans plus tarder, permettez-moi donc, comme les écrans sont connectés, permettez-moi donc de vous jouer quelques vidéos. Nous allons suivre avec attention, et puis ça va planter le décor pour ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok, donc commençons. Vidéo numéro 1. Pour la première fois en Belgique, un mineur a été euthanasié à sa demande, comme la loi l'y autorise depuis 2014. Âgé de 17 ans, il souffrait d'une maladie en phase terminale. La Belgique est le seul pays au monde à autoriser cette fin de vie volontaire sans limite d'âge. Le président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie a souligné que ces cas restaient exceptionnels. Heureusement, ça n'arrive pas souvent que des mineurs soient en phase terminale, dit-il. Par ailleurs, les docteurs utilisent encore la vieille méthode. Ils plongent le patient dans un coma artificiel jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle la sédation palliative. La loi prévoit plusieurs conditions pour accéder à la requête d'un malade. Le mineur doit être atteint d'une maladie incurable, être en capacité de discernement, et ses parents doivent également donner leur consentement. Les partisans de la loi saluent un bénéfice pour tous les malades. Beaucoup de ceux qui sont confrontés à de telles maladies ont trouvé une certaine tranquillité d'esprit, car ils savent qu'ils peuvent poser la question de l'euthanasie, explique-t-il. Ils ne vont pas forcément le faire, mais ils en ont la possibilité, et ça fait une grande différence. Aux Pays-Bas voisins, l'euthanasie est également autorisée pour les mineurs, mais avec un seuil fixé à 12 ans. Voilà, ce qui plante dans le décor de cet enseignement de ce soir. Merci à nos amis des Hero News. J'espère que l'enseignement ne sera pas quoi. Je crois que c'est la sœur. La sœur Karine, tu as vu le frère Iba, n'est-ce pas? Non, elle est... oui, frère Junior. Voilà. Donc, cet extrait des Hero News, et nous allons en voir deux ou trois ou quatre durant cet enseignement. Je crois que ce serait mieux de voir une deuxième vidéo, plus une troisième, et puis ça va vraiment planter le décor. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Amen. Alors, prochaine vidéo. Donc, ici, c'est Hero News, cet extrait d'Hero News qui est passé en 2014. Et ici, la deuxième vidéo nous vient de nos amis de BFM TV sur leur chaîne YouTube. Vous pouvez le trouver. Alors, on y va. Michel Couder a 67 ans. Depuis l'adolescence, il se sait atteint de neurofibromatose, une maladie incurable et dégénérative. Depuis quelques mois, la douleur ne le quitte plus, mais après une vingtaine d'opérations, Michel ne veut plus entendre parler d'hôpital. À un moment donné, vous ne pourrez plus rester ici tout seul? Si, mais je serai mort, c'est tout. Mais c'est facile, hein, je me laisse mourir. J'appelle pour le secours. Se laisser mourir seul, renoncer aux soins, une extrémité incompréhensible ici. Dans ce centre de soins palliatifs, l'accompagnement est la priorité. C'est un accompagnement général, c'est un accompagnement à la fois physique, psychologique, à la fois social, un soutien spirituel. Oui, c'est un accompagnement vraiment très très général et global, oui. Un accompagnement aussi des familles. Michel vit un enfer depuis 2 mois. Son père est passé par 4 hôpitaux. Il vient d'intégrer sa chambre. Je me sens très soulagée, d'autant plus que j'habite à 700 km et qu'il y a en plus la culpabilité chez moi qui avait tendance à prendre un tout petit peu le dessus. Et c'est vrai que là, je reprends mon train tout à l'heure, beaucoup plus apaisée. Les professionnels l'assurent, il y a toujours de l'écoute ici pour les patients, mais aussi pour leurs proches. Voilà. Je crois qu'il y a du vent chez le frère Yassine là, parce qu'il a déroulé. Je ne sais pas s'il a déroulé. Il y a du vent chez lui. Non, il ne roule pas. Ok, bon, ok. Alors maintenant, nous avons suivi ces deux premières vidéos. Nous allons en suivre encore. Le premier des Hero News qui traitait en 2014 de ce débat qu'il y avait dans la société belge concernant l'euthanasie. Et rappelons que effectivement le 28 mai 2012, ils ont voté comme ça cette loi là sur l'euthanasie, et on va définir ce que c'est aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas cela. Moi, je tranche, puisque je ne suis pas médecin, en appelant cela l'euthanasie, la sorcellerie scientifique moderne. L'euthanasie, la sorcellerie scientifique moderne, dont je tranche. Voilà. Dans le deuxième cas des BFMTV, nous avons entendu les mots renoncer aux soins, accompagnement général. Et parmi cet accompagnement général, ils ont parlé de l'accompagnement spirituel également, le soutien d'ordre spirituel. Nous allons y commenter et voir dans quel sens les médecins peuvent accompagner et soutenir les gens de façon spirituelle. Et la journaliste dit que Michel, depuis un certain temps, vit un enfer. On va se poser la question si l'enfer se vit sur la terre. Et pourquoi ils utilisent l'expression l'enfer s'ils ne croient pas justement à ce que la Bible appelle pas enfer? Quelles sont les différentes phases de cet enseignement que nous allons donc voir? Mais avant cela, donc, plantons le décor avec la définition même de ce que nous appelons par euthanasie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'euthanasie, le frère Iba a tout seigneur, tout honneur. Le docteur, c'est quoi l'euthanasie? Pour ceux, pas avec des terminologies de l'encyclopédie de la médecine moderne. Avec C'est ça. des mots plus simples afin pour que ceux qui nous écoutent puissent saisir ce que c'est que l'éthanasie. C'est quoi l'éthanasie? Ok, merci beaucoup, mon frère bien-aimé, de me donner la parole sur ce point. Alors, bon, enfin, l'éthanasie, en fait, c'est un thème auquel nous, en tout cas en Afrique, dans le cadre de la médecine en Afrique, on n'est pas très habitué. Mais parce qu'on n'en a pas vraiment parlé au cours de notre formation médicale, parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais pour définir de façon simple l'euthanasie, c'est le fait de donner volontairement la mort à quelqu'un, soit à un patient, hein, à un malade, soit de façon active, c'est-à-dire que en lui injectant des substances qui vont finalement provoquer un arrêt cardiaque, ou bien alors de le regarder, d'observer une abstention, c'est-à-dire une abstention thérapeutique, c'est-à-dire sans lui donner de soins, mais en lui donnant seulement des soins d'accompagnement, comme négatif, donc des soins juste pour calmer la douleur, mais sans donner les médicaments qui peuvent traiter la maladie qui est en train de le tuer, de sorte que la maladie puisse le tuer à petit feu. Donc, c'est finalement d'envoyer la personne à la mort. Donc, ça veut dire Voilà. qu'en quelque sorte, l'euthanasie peut être définie en peu de mots comme étant la mort assistée. Voilà, d'une certaine façon, Alors, voilà. C'est ça. avant de passer la parole à d'autres médecins qui se trouvent là, je rappelle que pour tous ceux qui écoutent Bamba Iba, en écoutant cette tranche d'enseignement consacrée aux médecins chrétiens, vous pouvez les contacter en appelant sur les chaînes, sur les numéros qui sont affichés à la fin de l'enseignement ou bien écrits, effectivement. Leur consultation sur ces chaînes-ci est absolument gratuite, même dans les cas pathologiques les plus difficiles et incurables. Alors, le frère, je reste avec toi. Je reste avec toi. Tu as dit que dans le cadre de votre formation pour vous, pour nous qui sommes, enfin, vous, les médecins qui êtes de la culture africaine, vu que vous êtes de façon moderne, les gens diplômés de la médecine moderne, donc transférant de l'Occident les technologies de médecine de l'Occident, pourquoi ce C'est transfert de ça. l'euthanasie n'est pas encore effectif dans votre formation? Pourquoi? Pourquoi ça ne passe pas encore dans le vécu des Africains? Pourquoi? Ben, écoute, parce que, mais enfin, c'est en fonction de l'évolution des différentes sociétés. Dans la conception, en tout cas, de l'Africain, je pense, hein, voilà, quelle que soit la maladie, on va toujours chercher à trouver un moyen de soigner la personne. Et en cela, enfin, ce qu'on appelle l'itinéraire thérapeutique des malades, nous le montre bien. Parce que les malades en Afrique, en général, vont passer chez les tradis praticiens, chez les marabouts. Et tout ça dans l'optique de trouver une solution, soit parce qu'ils peuvent estimer que d'abord la cause elle est spirituelle et tout, et puis bon, ils viennent à l'hôpital, mais même à l'hôpital, même quand le patient vient en phase terminale, on va toujours chercher à le soigner plutôt que à l'accompagner vers la mort, même si on juge la maladie incurable. Voilà. Alors, Sur ce, j'ai rebondi avec une autre question. On a vu autour de nous, sans que le cas de l'euthanasie, souvenons-nous, l'euthanasie était déjà préfiguré dans, quoi, au Moyen-Âge. On va y revenir si le Seigneur le permet. Mais je voudrais poser cette question. Avons-nous eu à côté de nous, ici en Afrique, des gens qui souffrent au point où vous-même vous vous exclamez qu'au lieu que cette personne s'y souffre comme ça, mieux le Seigneur le prenne? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une espèce de confession de l'euthanasie non avérée médicalement? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, bon, je ne sais pas si la question m'est adressée directement, mais voilà, enfin, tout à fait. On le voit hein, dans plusieurs pathologies. On voit des patients en réanimation et tout. C'est vrai que oui, on s'est dit vraiment, vu l'état de la personne, ce serait bien que la personne, enfin, que le Seigneur prenne la personne, mais. On donne toujours de l'espoir aux parents et voilà, on les assiste moralement, plus ou moins. Hein, enfin, on essaie de les convaincre moralement et on leur fait payer en tout cas tous les traitements qu'il y a enfin, en fonction des moyens dont on dispose, puisqu'on a une obligation de moyens et non de résultats. Donc on leur donne tout l'espoir possible, quand bien même nous-mêmes on sait que. Ici, c'est plus ou moins, voilà, les dés sont plus ou moins jetés, mais voilà, on n'a pas en idée vraiment de donner la mort à la personne. Mais effectivement, il y a une arrière-idée de l'euthanasie par derrière, mais ce n'est pas vraiment notre objectif, en tout cas dans ma pratique, hein, tout ce que j'ai vu jusque-là. Voilà, la sœur Karine du Canada. Rebonsoir. Le frère Yassine, tu voulais parler? Oui, je voulais dire quelque chose, en fait. Je crois que tu parlais d'une forme confessée de l'euthanasie, quand on voit quelqu'un souffrir et lui souhaiter la mort. Oui. Je crois que ça ne vient pas seulement des médecins. Parfois, il y a Non, non, là, je des parlais personnes particulièrement des qui... cadres africains qui, généralement, vous allez dans un village, vous Exactement. voyez un parent qui souffre, qui ne veut pas mourir, et les gens se disent, au lieu de dépenser l'argent, parce que tôt ou tard, il va mourir, au lieu de dépenser l'argent comme ça, mieux la grand-mère s'y part. Au lieu de faire comme ça, l'argent là, ça sert à ses obsèques. Nous avons vu cela dans nos familles ici en Afrique, pas vrai? Oui, si. Si. Tu as la parole, mon frère. Il repose la question que j'ai parlé au frère. N'est-ce pas là une certaine forme de confession de l'euthanasie à l'africaine? Mais sans toutefois aider la personne à mourir, on l'accompagne avec les verbes que mon ami quitte la scène. Ça. Bon, non, bon, ça c'est clair, ça c'est indiscutable. Je crois que parfois même la douleur pousse l'homme à dire certaines choses. Si je ne me trompe pas, et vraiment, je souhaite être corrigé de vous. Ça me rappelle un peu notre, comment ça s'appelle, c'est Job, je crois, qui est déjà dans ses mots. Je peux me tromper ou je me trompe même certainement, mais je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, je n'ai pas ma Bible malheureusement avec moi. Où Job, déjà dans ses mots, se souhaitait déjà un état de ce genre. Job C'est chapitre vrai que ça, 14 c'est verset un 1 à truc. 6 et chapitre 15 verset 33 à 30 à 32. Oui, justement. Je le savais. Merci beaucoup. Oui. Non, non, là, on touche Non, du côté c'est clair spirituel, que. donc il y a de cela. C'est le frère Yassine qui veut m'attaquer ce soir sur mon plan. C'est moi qui pose d'abord la question au médecin. On reste Non, sur bon, je ne veux pas t'attaquer, frère. Laisse-moi la passer t'attaquer. on reste sur votre terrain Je dis d'abord. qu'en fait, oui, c'est clair, c'est pour dire simplement que c'est. Oh, c'est pour dire simplement que c'est un état de désespoir, c'est tout, quoi. Merci, je ne veux attaquer personne. Voilà. La sœur Karine, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir, très Voilà, bien. je crois que pour sur l'approche définitionnelle, il n'y a plus rien à redire de ce que le frère Iba a dit, n'est-ce pas? Oui. Voilà, et là, sur ce plan-là, je pose la question parce que pendant que vous parlez, en tant que spécialiste, je suis obligé de prendre les cours, donc je prends des notes comme à l'amphithéâtre. Je note deux points dans le développement de notre bien-aimé frère Iba, de ces points-là ressortent. La sacralité de la vie du côté africain et la dislocation du côté européen et des occidentaux. Donc, nous voyons effectivement que le frère Ba a développé dans ses propos que du côté en Afrique, quand bien même les gens sont malades, ils essaient tant bien que mal de trouver la solution. C'est donc pour cela, et il dit de ses propres paroles, je le cite, que c'est pour cela que les gens vont de marabout en marabout en quête de solutions. Ils ne baissent pas les bras comme chez les Européens. Comment expliquer donc le fait que vous, au Canada, et je rappelle que comme tu es au Canada, nous allons voir un extrait des vidéos d'une famille qui lance une sonnette d'alarme. Souvenons-nous que ce n'est pas tous les Blancs qui acceptent l'euthanasie. Il y a une autre frange de personnalités qui crée des associations pour pousser le gouvernement à arrêter cela. Mais comme c'est satanique, comme c'est diabolique, comme nous allons voir dans la deuxième partie, le côté spirituel, la loi de Satan finit par passer sur cette terre pour que Satan domine. Et donc, cette famille-là qui a lancé un SOS devrait être euthanasiée, comme on va voir maintenant de sa petite fille. Et nous voyons maintenant sa petite fille maintenant pleine de vie. Et sa vidéo est présentée au Canada. Beaucoup de personnes connaissent ces associations-là au Canada. Alors, je reviens sur toi, ma chère sœur. Est-ce que c'est cette dislocation entre le physique et le spirituel qu'on connaît en Europe qui fait de tels anciens qui ne parviennent plus à considérer la vie comme sacrée? Ça veut dire qu'ils peuvent banaliser et donner la vie à quelqu'un, l'accompagner à la mort. Alors que du côté de l'Afrique, comme ils considèrent encore la vie comme venant de Dieu, comme sacrée, ils peuvent chercher la solution jusqu'à ce que ce soit c'est Dieu seul qui enlève le souffle qu'il lui-même a donné. Bon, déjà, vu le background du Canada, je vais d'abord me baser sur le fait que le Canada a été un pays qui a été longtemps martyrisé par le catholicisme. Donc, vu leur histoire, ils ont rejeté complètement l'euthanasie. Tout ce qui est religion, tout ce qui est crainte du Seigneur et tout ça. Donc, ça fait que même quand tu leur parles de la valeur de la vie, pour eux, ça n'a pas une grande importance. Ce qui fait que facilement, ils vont voter ce genre de loi je veux dire, ils n'ont plus de crainte de Dieu, quoi. Moi, partout où je vais, c'est rare que tu vas entendre quelqu'un dire Dieu, Dieu, Dieu. Et donc, du coup, ça fait que c'est vrai qu'ici, on est très éloigné du fait que tout vient de le Seigneur. C'est le Seigneur qui a créé l'être humain. Parce que tout ce qu'on a ici, on l'obtient par le travail. Donc, je suppose que c'est partout ailleurs comme ça. Tout le monde sait que si je veux avoir telle chose, je dois juste travailler. Si je veux avoir telle chose, je dois juste travailler. Si je veux mourir, j'ai le droit, parce que c'est ma vie, j'ai le droit de dire que je veux mourir. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce qui est bon à faire pour moi ou ce qui n'est pas bon à faire. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a cette dislocation-là dont tu parles, pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus trop attachés à l'essence de la vie, à la valeur de la vie? Et je ne sais pas, et ça se voit même dans toutes les lois qu'ils créent, que ce soit pour le cannabis qu'ils ont voté récemment, que ce soit pour l'homosexualité. En fait, ici, tout est permis, quoi. Le cannabis, justement, rappelons à tous ceux qui nous écoutent maintenant que le cannabis entre en vigueur à partir d'octobre de cette année 2018 au Canada, officiellement. Exactement. Oui, continue ma soeur. Donc, c'est un peu ça. Ils sont allés jusqu'au point où ils ont voulu compromettre certains médecins en disant que si vous acceptez de faire l'euthanasie, on va vous payer 15 000 $ pour chaque acte que vous allez vouloir poser chez un patient. Redis ça, ma soeur. Non, ma soeur, n'allons pas vite en besoin. Donc, d'après ce que nous sommes en train d'entendre sur Bamba Iba maintenant, enfin, sur la blouse blanche dans la sainteté. Bon, ce n'est pas officiel, hein, c'est officieux, parce que comme mon mari travaille à l'hôpital, il est venu, il m'a dit ça, quoi. Il m'a dit, tu te rends compte qu'on demande à chaque médecin, s'il fait l'euthanasie, voici, il aura comme un pouvoir, je vais dire, de 15 000 $. Là, ça me pousse à poser encore la question, qu'est-ce que ceux qui font l'euthanasie, sur le plan scientifique, gagnent là-dedans? Pour qu'ils puissent donc donner 15 000 $ canadiens aux médecins qui vont pratiquer? N'est-ce pas des satanistes? En fait, c'est la part du gain. En fait, ils s'en foutent. Par contre, il y a une majorité de médecins qui refusent. Ils disent, moi, je ne fais pas ça. Et ils ont le devoir de transférer le patient à un autre médecin qui le fait. Donc, est-ce que quelque part, ils sont quand même complices. Voilà, complices. Et là, ça devient très difficile. Et c'est là où blouse blanche dans la sainteté devient très intéressant pour montrer justement la limite entre le sacré et ces choses-là. Donc, Satan a introduit dans ces métiers que nous pratiquons. Chaque fois que nous allons pratiquer un métier sur la terre, nous devons être en tant que chrétiens avec la torche du Seigneur Jésus-Christ pour savoir jusqu'à quel niveau on ne doit pas franchir et au prix de notre dysfonctionnement avec notre emploi. Au cas où on doit nous chasser de notre emploi, au cas où on doit nous démettre de notre poste, jusqu'où pourrons-nous tenir ferme? Et justement, ce propos de tenir ferme est très souvent posé à notre bien-aimé frère. Bonsoir et bienvenue, mon frère Cyril, de l'Allemagne toujours. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Je merci. t'accueille à chaud là maintenant. On te présente 15 000 dollars, 15 000 euros. De fait, tu es cette grande mère qui a 99 ans et qui ne veut pas mourir. Elle souffre de cancer depuis, elle ne fait que déranger les gens en urgence. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ils veulent qu'ils allaient partager son pauvre. Je n'ai pas, je ne peux pas soutenir cela. Il n'y a même pas une négociation dessus, quoi. Je ne peux pas prendre cet argent-là. Ton chef hiérarchique dit que tu as trois propositions sur la table. C'est toi seul qui dois faire mourir. C'est toi qui vas appuyer sur la gâchette de la médecine. Ou bien, vous savez, il y a. Pas la gâchette en tant que fusée. C'est vous qui devez exécuter cette bien-aimée vieille maman qui aura 100 ans dans 2 jours. De trois choses l'une, soit vous l'exécutez, ou vous quittez votre fonction, ou bien vous ne revenez plus jamais ici. Ah, on va pas faire le taxi, il n'y a pas de problème. Vous allez apprendre à faire le tasser. De toute façon, il n'y a pas de négociation dessus, hein, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas tergiverser. Faut pas, à cause de 15 000 euros, ça dit que tu supplantes Dieu dans sa fonction Oui. de donner et de ôter le souffle de vie. Ça dit, ça c'est comme ça, c'est la magie noire en fait. Est-ce que donc, C'est là, la c'est vous sorcellerie qui noire. travaillez avec dans ce domaine-là, est-ce que vous travaillez dans la perspective du fait que vous êtes là pour aider les gens installés par Dieu dans votre métier, ou bien vous travaillez parce que votre école et votre formation vous a demandé de travailler? La vérité, c'est que vraiment, chacun peut avoir une expérience personnelle, mais au fur et à mesure que les choses avancent, que la médecine fait que j'allais dire, connaître une forme de mutation. C'est-à-dire qu'au départ, la médecine, du moins je suppose, c'était un peu plus centré vers l'humain. Maintenant, les hôpitaux sont comme des firmes, c'est-à-dire comme des sociétés en fait, qui sont là pour produire l'argent. Ce n'est plus l'être humain qui est au centre de. Enfin, ce n'est plus le bien-être du patient et de celui qui est en mal-être. La médecine n'est plus axée dessus. Naturellement, ils font des développements à ce niveau, mais c'est plus pour faire bouger la caisse. Dans ce cas, pour le progrès de la médecine, donc ce dont à quoi si ça n'aide pas les gens, mais plutôt les détruit. Je n'ai pas dit que ça décrit seulement. Je veux dire l'axe principal de la médecine, du moins, je m'arrête même d'avoir en Allemagne. Et en fait, on a le credo de la médecine en fait d'être corrompu. Ce n'est plus le bien-être du patient seulement. Qu'est-ce qui C'est explique d'abord l'argent. ce sursaut, cette montée subite là au détriment des pensées des premiers pères, des fondateurs, pères fondateurs de la médecine? Le capitalisme à outrance. Le capitalisme à outrance. Mammon qui a pris les devants dans tous les domaines, et même aussi également dans la médecine. C'est malheureusement ça. C'est une réalité, mais c'est ça. Oui. Alors, quand que dit la législation en Allemagne, est-ce que l'Allemagne a adopté la loi sur l'euthanasie? Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ça a été dit en Allemagne. Rappelons pour tous ceux qui nous écoutent que la Suisse a été l'un des premiers pays à légaliser cela, et on appelait cela avec raison que le pays où on aide facilement à mourir. Donc les gens qui avaient besoin allaient en Suisse et se laissaient mourir tranquillement, légalement. La sœur Anne, bonsoir et bienvenue encore sur Blouse Blanche dans la sainteté. Bonsoir tout le monde. Dans la première vidéo de Hero News, je rappelle à notre frère, c'est lui que nous avons fait jouer 2 vidéos ici avant que tu ne te connectes. Dans la première vidéo de Hero News, on traitait le cas particulièrement de la Belgique. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la Belgique ou bien les dernières actualités de la Belgique, rappelons que le 28 mai précisément 2012 et 28 mai 2018, ça va faire exactement 6 ans maintenant que la Belgique a légiféré sur cet état de cause avec la Belgique, avec des suivis législatifs, des clauses, enfin, les clauses légales pour pouvoir aider les gens à mourir. Toi, tu es médecin en Belgique. Dans votre institut de santé, est-ce qu'on laisse les gens mourir ou bien les aide à mourir, la sœur? Ah, mon frère, il faut être grand. Moi, je l'ai déjà fait. Non, dites-nous cela. Ça, c'est un bon témoignage sur Bambaïba. Tu l'as déjà fait. C'est très subtil, hein. On va dire que l'euthanasie, en plus, c'est voilà. Attends, ma soeur, le frère Cyril doit fermer son micro pour qu'on puisse bien suivre cela. Le frère, monsieur, il a fermé son micro. Vous voyez, les démons de la Belgique ne veulent pas qu'on les trahisse là maintenant. Allons-y, ma soeur. Mais on va dire que l'euthanasie, on dit oui, consiste à provoquer intentionnellement la mort d'un patient. Et c'est pour ça qu'on va dire, on va parler de deux types. Il y a l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Donc, l'euthanasie active, c'est vraiment donner la mort volontairement à un patient qu'on trouve pas bien pour abréger ses souffrances physiques et morales. Mais il y a aussi l'euthanasie passive, effectivement, qui consiste à surtout à aider le patient toujours à mourir, mais un patient qui est déjà sous traitement et de décider d'arrêter tous les traitements parce qu'on estime que le patient ne va pas survivre. Je dis que je l'ai déjà fait une fois. Moi, je suis aussi en première ligne. Alors, la soeur Reine, je ne sais pas s'il fallait que tu te déplaces. Il y a chaque fois quand tu fais parler de ces choses-là, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est de chez toi. Daigne-nous parler maintenant. Alors, comment tu as tué les gens? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Dis-nous comment tu as tué les gens. Tu as pris 15 000 euros. Non, mon frère. Tu les as tués gratuitement. Non, dis qu'on m'a proposé 15 000 euros pour que je le fasse. Non, je ne l'ai pas fait. Je dis que je l'ai déjà fait, pas parce que je me suis levée. J'ai dit, bon, telle patiente, je ne vais plus lui donner le temps qu'elle fasse du mois. Moi, disons qu'elle demain, ça s'est passé comme ça. Je vais prendre. C'est pas une fois que ça va être arrivé d'avoir ce genre de. Ma soeur, avance au micro, avance au micro, ne baisse pas la voix. Là, c'est bon. Là, c'est bon, oui. Quand tu dis là, c'est bon, mais quand il faut dénoncer, ça baisse la voix. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vais pas dire que je l'ai fait une seule fois, hein, dans le sens où je vais expliquer un peu les cas que j'ai déjà eu en fait. Donc, moi, je suis aux urgences. Moi, je lève souvent en première ligne. Et même quand tu. J'ai aussi été dans le service de gériatrie et en général, dans ce service, on envoie beaucoup. L'euthanasie en Belgique, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est légal. Donc, on ne se dérange pas à vouloir abréger, à faire mourir quelqu'un, à abréger ses jours de vie. Donc, et en Belgique, ça se passe comment? En Belgique, ils ont quand un patient arrive à l'hôpital avec un certain âge, plus de 35 ans, et avec des critères gériatriques, on suppose qu'il est gériatrique. Maintenant, en plus de ces critères-là, on a quatre critères. Donc, ils appellent le statut A, le statut B, le statut C et le statut D. Le statut A, c'est un patient qui a droit à tous les soins. Le statut B, c'est un patient qui a droit à tous les soins, mais s'il fait un arrêt cardiaque, on ne le masse pas. Le statut C, il a droit à tous les soins. S'il fait un arrêt cardiaque, on ne le masse pas. Et s'il a besoin d'aller aux soins intensifs, il n'y va pas. Le statut D, c'est vraiment rien du tout. Donc, on le met là. C'est traitement de confort. Et traitement de confort consiste à juste, je veux dire, comment ça veut dire, il ne faut pas qu'il ait mal. Donc, un patient peut-être avec un cancer en stade de terminal, on va lui donner ses antidouleurs et tout pour qu'il ne souffre pas. Et en général, on utilise aussi beaucoup. Un peu plus haut encore, ma soeur, un peu plus haut encore, oui, continue, un peu plus haut cette fois-ci. On lui donne juste des antidouleurs et en général, ce qu'on utilise, c'est la morphine. On sait que la morphine, c'est bien pour la douleur, mais ça, c'est ça, une option aussi, ça déprime aussi le système respiratoire. Donc, le patient, il va, au niveau respiratoire, il va déprimer. Donc, moi, ça s'est passé pour la première fois. J'étais dans le service de gériatrie, j'ai un patient qui est arrivé, il était dans le coma. Donc, moi, je vais le voir, et moi, je savais vraiment pas quoi je devais faire pour ce patient. J'étais avec mon chef, il arrive, on l'examine, il me dit, ce patient, c'est parce qu'il a mourir. On lui met directement ce qu'il faut pour l'aider à mourir. Donc, ça, c'est la première fois que j'ai fait ça. Alors, ma soeur Reine, je me reposais une question. Dans la législation de la Belgique, par exemple, il est question de l'accompagnement, mais les personnes, quand c'est majeur et mineur, ça dépend, doivent être assistées de leur famille et les familles doivent être au courant. Dans le cas spécifique, tu dis que la personne était au coma, et le chef et toi, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Est-ce que la famille avait été au courant et cette personne avait demandé à être euthanasiée? Non, parce que le patient, il venait tout juste des urgences, il est arrivé dans le service et voilà, on l'a vu, il ne répondait à rien, à aucun stimuli, il ne répondait pas. Oui. Donc là, on n'a pas discuté avec la famille. Je devais être le médecin qui s'occupait de ce patient. Ah, bon, après, je suis supervisée parce que je suis en train de faire observation. Après, je suis supervisée. Et donc, quand je le voyais, j'étais avec mon chef directement, on allait le voir parce que vous savez qu'on va éviter le patient. Donc là, on l'a vu, on a dit, bon, ce patient, que le patient, il n'y a rien à faire. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste lui donner la morphine et lui donner des neurorelaxants et tout. Bon, on va dire, Je veux dire, les médicaments, en fait, qui va l'aider à mourir tout doucement. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et est-ce que sur son certificat de décès, vous avez mentionné cet état des choses-là, les causes de son décès? Mon frère, non. Mon frère, en Belgique, c'est légal. En Belgique, c'est légal. Il a un dossier médical. Oui. Ça, on le met dans le dossier médical. Mais en Belgique, c'est légal. Et quand on explique à la famille, il y a des familles qui comprennent et des familles qui ne comprennent pas. Par exemple, on va voir, quand j'ai déjà eu ce genre de cas aux urgences, on a un patient en face, on sait clairement que là, c'est chaud. Là, vraiment, il n'y a rien à faire. On a la famille qui dit non, il faut essayer le tout pour tout. Mais il y a des familles, comme je vous ai dit, quand le patient arrive avec un statut déterminé, la famille le sait. Donc, pour donner un statut au patient, on discute avec la famille. Donc, ce genre de patient, quand ils arrivent à l'hôpital, on connaît déjà c'est quoi le statut. Si c'est le statut C qui dit, ce patient, il fait un arrêt, on ne le masse pas, ou s'il doit aller aux soins intensifs pour qu'on prenne mieux soin de lui, on ne le fera pas. Et ça, la famille est déjà au courant. Mais ça peut arriver qu'un patient arrive aux urgences dans cet état, que j'ai même eu tout récemment. Le premier cas que j'ai eu, je n'étais pas religieuse. C'est vrai, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Ce n'est pas pour me justifier. Le dernier cas que j'ai eu tout récemment, j'étais aux urgences. On m'amène une dame de 95 ans. C'est moi qui m'occupais d'elle. Je me suis occupée d'elle, de cette dame, de 17h à 5h du matin. 17h à 5h du matin, elle refusait de mourir, elle refusait de sortir des urgences. Voilà. Tu as dit que tu vas lui montrer qu'il faut mourir tranquille, rapidement. Cette femme n'avait pas de famille. J'ai demandé, j'ai appelé parce qu'elle venait d'une maison de repos. J'ai appelé, j'ai demandé est-ce que cette dame a une famille. Elle m'a dit non. Moi, je regardais la femme avec tous les soins que je faisais. J'ai appelé quand même. J'ai appelé mon supérieur pour lui dire bon, voilà, j'ai telle dame comme ça. Pour moi, il faut essayer de faire quelque chose. Il est venu, il l'a regardé, il m'a dit je ne m'occupe même pas d'elle. Tu fais ce que tu as à faire. Cette dame, elle ne va pas vivre. Si tu veux t'acharner, tu le fais, mais il faut. Moi, je ne la prends pas. Ça, c'était le chef des soins intensifs. Il est venu, il l'a regardé, il m'a dit rien à faire. Tu essaies de faire ça, tu essaies de faire ça. Elle était en train, elle avait une septicémie, en fait, une infection pulmonaire qui s'est propagée un peu partout. Bon, moi, j'ai essayé. J'ai donné ce que je pouvais, j'ai lancé. J'ai fait, en fait, tout. Mais je regardais cette dame, elle était en train de mourir, en fait. Tout ce qui la maintenait en vie, c'est de l'oxygène que je lui donnais et les soins que je lui donnais. Donc, moi, à un moment donné, à 5h du matin, depuis 17h que je m'occupais de cette dame, je la regarde. Pour moi, elle était en train de souffrir. Je ne suis pas en train de me justifier, je répète. Pour moi, elle était en train de souffrir. Mais à un moment donné, j'ai dit, malgré tout ce que je fais, cette dame, elle est en train de cracher. L'oxygène que je donne à 100%, ça ne marche pas. Tout ce qu'on a fait, je la remplis, mais sa tension continue à chuter. Qu'est-ce que je fais? Parce que quand elle était en train de mourir, on va dire qu'il est en train de gasper. Sa respiration, vraiment, ce n'était plus la respiration normale, malgré tout ce que je faisais. Donc, elle était en train de gasper. C'est vrai, je ne sais pas. Que Dieu me pardonne, mais j'ai dit à l'infirmier, pour l'instant, tu lui mets juste de la morphine parce que pour moi, elle est en train de souffrir. Il a mis de la morphine, il m'a dit, tu vas arrêter les soins. Moi, je n'ai pas eu le courage de lui dire, non, moi, je n'arrête pas les soins. Mets de la morphine pour qu'elle ne souffre pas. Mais c'est clair que quand tu mets de la morphine, tu commences à l'aider. Donc, dès que j'ai mis la morphine, je lui ai dit, écoute, il est 5h du matin, j'attends quand même jusqu'à 9h pour voir si c'est ce que mes chefs vont me dire. Donc, ils sont arrivés, j'ai présenté le cas et machin. Et non, même pas. Il y a un qui m'a dit que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça sert à rien. Si tu as voulu la mettre à tel endroit, on t'a dit non. Tu as voulu l'hospitaliser, on a dit on la prenait pas. Ben, tu vas garder cette dame aux yeux. Et depuis 17h, tu dis, tu es en train d'occuper de cette dame. Bon, comme ça, ils sont arrivés. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai commencé la morphine, j'ai commencé quand même une partie. Donc, le reste, arrêter les soins, moi je n'ai pas pu le faire. Moi je ne pouvais pas le faire parce que c'est vrai. Je prenais cette dame en charge, mais je n'avais pas, moi je pense pas, j'avais pas je ne pouvais pas prendre ces décisions-là. Il m'a dit, ok, je suis allée avec lui, on a vu la patiente, dès qu'il a tout arrêté ce qu'on était en train de lui donner, 15 minutes après, elle était morte. C'était vraiment ce que je faisais qui l'a maintenant en vie. Donc, c'est des cas que moi je vois vraiment tous les jours. Quand ils arrivent aux urgences, il y a des moments où on décide de ne rien faire là. Ou quand ils font un arrêt cardiaque, là, on n'essaie même pas de les masser. Ça, je le vis. Donc, c'est-à-dire qu'avec la législation, les gens, les médecins ne vont plus jusqu'au bout comme ils se battaient pour pouvoir sauver un patient, alors. Voilà, c'est ça. Et en Belgique, c'est légal. Personne, on ne va pas t'attaquer si tu le fais. On ne le fera pas. Tant que le statut du patient, il est bien. Parce que le patient, il arrive dans les gens, il n'a pas de patient. Toi, le médecin des gens, tu peux mettre le statut. Et personne ne te dira, moi-même, je peux mettre un statut. Alors, je te pose la question directement, ma chère sœur. Hein, tu m'entends très bien. Oui. Si ta propre maman tombe dans le coma et on dit qu'on va l'évacuer chez toi, pourquoi tu l'amènes à l'hôpital? Tu aimeras la laisser dans ton hôpital? Non. Pourquoi? Bah, de toute façon, je ne pense même pas qu'elle vienne en Belgique parce que l'euthanasie, ici, il y a des choses, je sais que j'ai conscience de ce qu'on fait. Je suis consciente qu'à un certain Donc tu moment, sais que si on tu va amènes ta pouvoir maman vouloir là, tout ta propre maman là-bas, quand tu vas te tourner, tu ne seras pas de garde, on va la tuer. Et t'es dit désolé, mon ma, désolé collègue, elle était en train de souffrir, on ne pouvait pas supporter, on l'a aidée à mourir quoi. Alors avant, avec le recul, oui ma soeur. De toutes les façons, je ne laisserai pas. Je laisserai pas. Conseillerais-tu donc quelqu'un aussi qui a des maladies graves de venir dans ton hôpital ou bien en Belgique, de se faire hospitaliser en Belgique, connaissant que la législation là-bas est assez facile pour pouvoir aider les gens à mourir? Je dirais non, mais la pratique, c'est tout autre chose, mon frère. La pratique, c'est quoi? C'est que en fait, moi, je suis sincère, hein. Quand tu les vois, quand tu vois ce genre de patient, moi aussi, franchement, j'ai proposé, hein, même à mes collègues, franchement, elle a 95 ans. Tu Ou un patient qui arrive, il a même 17 ans, Oui. par exemple, le jeune qu'on a vu. Un patient qui arrive, on va laisser les patients âgés. Un patient qui arrive, il a 17 ans. Il est hémiplégique. Ça veut dire quoi? Il est paralysé dans son lit. Il mange par une sonde, une gastrostomie, une sonde gastrique, donc une sonde au niveau du ventre, en fait. Il mange par cette sonde-là. Il n'arrive même pas à bouger. Moi, sincèrement, j'ai toujours ce C'est truc-là qui me dit, mais que c'est quoi ces qualités de tu le donc mieux tu le voilà. Oui. Donc aide-le à mourir quoi. Je suis toujours en train de me dire, c'est quoi ces qualités de vie? Ça, c'est pas parce que je veux le tuer, mais c'est que tellement il te fait de la peine, comme tu disais tout à l'heure, que on a souvent tout souhaité, on a vu nos grands-mères ou bien quelqu'un souffrir, au lieu de dépenser de l'argent, est-ce que c'est pas mieux de laisser la personne mourir parce que la personne va abréger ses souffrances, en fait? C'est toujours, c'est difficile en fait dans la pratique parce que, mon frère, c'est complexe. Hein. C'est quand tu ne vis pas, c'est facile peut-être de se placer de l'autre côté et parler. Mais c'est clair, Dieu a ses lois, Dieu a ses règles, on a la parole, Et vous avez on la est réalité sur place. Mais on a, La voilà, on a réalité. La réalité sur place. c'est ça. Merci. Merci ma soeur. Donc, en résumé, tu as tué combien de personnes? Oh non, combien de personnes j'ai tué? Bon, je crois que j'ai mis de la morphine peut-être à 2-3 personnes. Et ça, c'est de façon directe. De façon indirecte, maintenant, tu as contribué à faire tuer combien de personnes dans ton hôpital? Ça, je sais pas en effet. Sont nombreux. Ah, je ne sais pas. Belgique dans la médecin blouse blanche dans la sainteté. Bonsoir. Vous voyez que c'est les gens de blouse blanche. N'ayez pas peur maintenant, en nous entendant maintenant, en nous écoutant comme ça. Ces blouses blanches, maintenant, sont sanctifiées. Donc, ils ne vont plus vous tuer. Ne dites pas que vous allez le consulter, mais vous conseillez l'euthanasie. Vous vont conseiller l'euthanasie. Le frère Yassine. C'est ça. C'est le frère Cyril qui a. C'est celui qui a le bruit comme ça. Alors, le frère Yassine, qu'est-ce qui inspire les commentaires et le témoignage de notre sœur Reine? Oui, je retiens un mot que ce qu'elle dit, c'est complexe, c'est vraiment très complexe. Parce que je vais prendre deux cas, par exemple, où j'ai directement affaire, dépend lesquels je travaille, je suis en soins intensifs, tu vois. Et parfois, l'homme, moi je me dis toujours, il y a parfois un moment de la vie où il faut se dire, il ne peut plus, tu vois. Et je prends des exemples très très simples. C'est un monsieur qui arrive, au fait, j'arrive en soins intensifs, j'ai un collègue qui travaillait avant, qui était là avant moi, et un monsieur qui était dans un état vraiment végétal, si on peut dire comme ça là, a eu une épilepsie, là, bon, on l'a soigné et on l'a mis un tuyau dans la bouche, ça veut dire qu'on l'a mis dans un coma, comment on appelle ça? On l'a mis dans un coma, quoi, un coma artificiel. et on l'a mis en salle. Alors, j'arrive, la famille du monsieur dit que non, ils ne veulent pas qu'on mette leur papa dans un coma artificiel, patati patata, mais qu'ils préfèrent qu'on enlève leur papa du coma, leur papa dans, on le ramène et on lui donne de la morphine. Bon, j'entre, j'ai regardé le monsieur, j'ai essayé de tout. Bon, bref, je me suis dit au fait vraiment quelle était même la cause, quelle était même qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans ce coma? On l'a ramené, on a enlevé les tuyaux de sa bouche, tout le reste, on l'a mis de la morphine. Et je vais vous dire quelque chose, Frère Yassine, pour ceux qui nous vous utilisez les terminologies de la médecine, c'est quoi la morphine? Quel est son rôle lorsqu'on les met dans un patient? Au fait, la morphine, comme Marcel l'a dit tout à l'heure, c'est un médicament contre la douleur, mais qui, comme tout autre médicament, a un effet secondaire. Mmh. Et cet effet secondaire, c'est que ça fait une dépression respiratoire. Mmh. Pour bloquer les patients la respiration qui n'ont pas une... Pardon? Ça bloque finalement le cœur de prendre de la circulation sanguine dans le cœur. Au fait, si on peut dire plutôt, disons que ça bloque le sang de la respiration au niveau du cerveau. Oui. Et exactement à ce niveau-là, ça te met dans un état, ça te calme de sorte à ce que tu ne puisses plus respirer toi-même. Mmh. Si tu n'as pas une respiration suffisante. Donc en clair, la morphine peut étouffer quelqu'un de telle façon que la personne ne meurt par asphyxie. Exactement, ça peut étouffer. Mmh, mmh. Ça, c'est quand tu n'as pas une respiration suffisante. Oui. Parce que chez les malades, généralement, qui sont agités, qui n'arrivent pas à tolérer certains médicaments, on leur donne la morphine pour qu'ils se calment et pour qu'ils puissent suivre leur traitement, par exemple, de manière normale. Oui. Voilà, poursuis donc dans ton exemple. Oui. Pardon? Poursuis donc dans ton exemple. Je voulais seulement que tu expliques la morphine. Oui. Donc, On a donc ramené ce patient et on lui a mis de la morphine et il était tellement bien par la suite que même sa famille ne croyait plus. Donc en principe quand sa famille disait qu'on l'enlève, c'était pour qu'il meure. Mais quand on a regardé, je me suis dit que non, il ne peut pas mourir au fait, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'a pas de maladie grave qui va l'amener directement. Donc on l'a mis de la morphine et il va très bien jusqu'à ce que bon, tout s'est bien passé. Ça, c'est un cas par exemple. Oui. Il y a d'autres cas, tu peux enlever et il meurt. Par contre, le deuxième cas que je prends, c'est une autre femme qui était toujours dans un coma artificiel. Et elle allait très mal. Au fait, il arrivait maintenant qu'elle a eu ce qu'on appelle un œdème au niveau du cerveau. Je peux un peu expliquer ça de manière banale. C'est un peu comme si tu prends une carte de l'Afrique qui est bien dessinée. Tu vois un peu. Et tu verses de l'eau dessus ou de l'alcool dessus. Oui. Voilà à peu près comment on peut décrire un œdème. Ça veut dire que rien, tu ne peux plus discerner quelque chose, quoi. Par exemple, quand tu as une carte du Cameroun, normalement, tu vois les routes, tu vois les villes bien écrites et tout le reste. Oui. Et maintenant, quand tu as un œdème, c'est comme si on a versé le pétrole sur la carte. Ça veut dire que rien n'est plus discernable. Ça dissout les différentes lignes. Et ça les confond. Exactement. Voilà par exemple une personne dans ce cas-là. Et la question qu'on posait, c'est quoi? Est-ce qu'il faut ramener cette femme-là, lui enlever les tuyaux de la bouche pour la laisser soi? Bon, tout le monde est d'accord que bon, la capacité de l'homme et la conscience de l'homme veut que si tu lui enlèves les tuyaux, elle meurt. Maintenant, dans ce cas-là, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que ça aussi, c'est une forme d'euthanasie? Oui. Point d'interrogation. Parce que je prends un exemple de mon collègue Cyril qui est de l'autre côté. Un papa toujours dans le même cas. Qu'on avait mis sur une machine comme ça, il était dans un coma. Et quelques jours après, on décide de l'enlever. On l'enlève, on le fait sortir des soins intensifs, on le ramène dans une station périphérique. Et trois jours après, le papa est dehors en train de marcher jusqu'à ce que c'est comme si nos machines le mettaient plutôt en prison. Donc, il y a parfois... Comment expliquer ces différents cas dont tu as donné une nommée? Et tu as dit, je cite, que c'est au cas par cas. Il y a d'autres personnes qu'on enlève, ils meurent, d'autres personnes qu'on enlève, ils sont pleins de vie, comme le cas dont tu parles. Quel est le signal que ça donne à la médecine? Le signal que ça donne au cas en médecine, comme on l'a dit, c'est que l'homme ne maîtrise vraiment pas tout. L'homme ne maîtrise pas vraiment pas tout. C'est comme je dis, parfois on doute. Parfois on doute beaucoup dans ce qu'on fait. Parfois c'est du tâtonnage. Oui. et ça, vraiment, il faut le dire, c'est du tâtonnage parfois. Parce que le cas de l'exemple du frère que le frère Cyril me racontait, c'est là où tu vois que tout le monde espérait que le papa allait mourir. Un papa de près de 90 ans, il peut me corriger si je me trompe. Il était en train de marcher en station. Alors qu'il était d'abord dans un système de machine à respiration assistée. Exactement. Tu vois, et par contre, la femme dont je te prends l'exemple, quand on a fait la radio de son cerveau, dès qu'on l'a enlevé de la machine, excusez-moi, peut-être 10 minutes après les morts. Tu étais parmi mon frère? Oui, j'étais là, je n'ai pas dit que je n'étais pas parmi. Pourquoi répondre de façon dubitative, mon frère? Tu as tué cette femme ou tu n'as pas tué? La question, c'est est-ce qu'elle vivait d'abord, frère? Donc, son cerveau, elle est entrée consciente dans vos machines, vous avez enlevé et vous l'avez tué. Elle n'est pas entrée consciente dans notre machine parce qu'elle est venue déjà dans un état comateux. Oui, et son cerveau avait déjà là-bas pour la protéger. Son cerveau avait du répondant, n'est-ce pas? Puisqu'il y avait des rythmes, certainement la radio, quoi, le cardiogramme montrait effectivement des différentes ondes avec des amplitudes non zéro. Je ne suis pas bien. Donc, l'amplitude que montrait l'oscillogramme là-bas n'était pas à zéro. Il y avait quand même une hauteur, n'est-ce pas, frère? Non, en fait, quand elle arrivait déjà, n'est-ce pas, il faut comprendre ce qu'elle avait, au fait. Tu dois te dire, c'est comme si quelqu'un a les caillots au niveau du cerveau. Oui. Parce que voilà la maladie qu'elle avait. Elle avait vraiment, comme on dit, les caillots au niveau du cerveau qui bouchaient carrément toutes les artères. Donc, c'était là, presque prévisible. Elle a fait une infection. C'est à dire que les virus sont entrés dans son cerveau et ont fait des caillots. Ce qui faisait que son cerveau n'était plus irrigué, si on peut dire comme ça. Donc, je crois que si on avait même fait une radio 3 jours après qu'elle soit arrivée, on aurait vu. Donc, on l'a laissée dans les machines, peut-être pendant 2 semaines. Et après, on a dit, OK, pourquoi elle ne se réveille pas? On a fait donc une radio et on a vu ça. La question, c'est que elle est morte quand? Tu vois, parce que tout ce que les machines nous montrent, ou les preuves qu'on a qu'elle est en vie, c'est ce qu'on voit de nos machines. Donc, on peut résumer qu'il y a une chance sur deux que c'est vous qui l'ayez tué, une chance sur deux qu'elle soit morte avant d'entrer dans la machine. N'est-ce pas, le frère Yassine? Bon, en tout cas, je ne refuse pas. On l'a tué peut-être. Il ne faut pas que je ne pas. C'est nous qui l'avons tué peut-être. Là, je ne suis pas. Oui. Donc, ce n'est pas comme si je suis en train de vouloir me laver. Mais c'est pour ça que je pose le problème. Parce que je veux savoir vraiment quelle est la fronde. La frontière. Oui, en fait. C'est pour ça que je raconte ça. Parce que cette histoire, je l'ai gardée simplement pour cette science-là. Vraiment, quelle est la frontière, en fait, jusqu'où l'on peut. C'est ça la question. Voilà. Frère Barre, bonsoir et bienvenue encore. Merci, mon frère. Merci pour la dévotion, le dévouement que tu as par rapport à l'œuvre de Dieu. Et malgré que la connexion est la plus intempestive du côté d'Abidjan ces jours-ci, tu as tenu à honorer le rendez-vous. Ta présence nous honore. Et je suis sûr que les autres frères sont également fiers. C'est ça. Mais ton collègue médecin a dit que vous êtes les tâtonneurs. Est-ce que tu lui donnes raison? Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Nous, en fait, on doit se résoudre à reconnaître que le grand médecin, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous autres, en fait, on tâtonne. On tâtonne. Et moi, je le vois bien, particulièrement avec les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Et vraiment, tu te rends compte, parce que le protocole de prise en charge même de ces enfants te montre que la médecine, c'est vraiment du tâtonnement. Oui. On essaye ça. Et chez eux justement, difficilement, tu ne peux attendre, par exemple, le résultat d'un antibiogramme avant de mettre un traitement en route, parce qu'ils sont en train de mourir là. Donc, quand tu essaies tel médicament, quand ça ne passe pas, tu passes à une seconde étape avec des associations. En fait, tu tâtonnes. Tu tâtonnes jusqu'à ce que soit l'enfant meurt, soit il s'en sort. Donc, très sincèrement, oui, la médecine, en tout cas humaine, nous tâtonnons. Voilà. Comme le frère Ibala mentionne, nous allons voir dans une autre édition ici, particulièrement la nutrition moderne face à notre santé et à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons examiner ce thème-là sur beaucoup d'angles. Les choses que nous consommons, que nous détruisons, les différentes choses, la mutation des différents gènes de nos plantes modernes maintenant, c'est particulièrement ceux de l'Europe et de l'Amérique latine, cette multiplication à outrance des différentes nourritures que nous mangeons, avec pour toile de fond le mensonge gouvernemental de la surpopulation et la soif des produits dans les industries. Nous allons voir cela dans une autre édition. Et le frère Iba, nous rappelons qu'il est médecin nutritionniste, conseiller et très souvent en collaboration avec l'OMS. Nous allons toucher l'OMS avec ses plans machiavéliques cachés derrière, qui financent souvent notre bien-aimé frère Iba. Alors, le frère Iba, il reste avec toi. Le frère Yassine parlait des cas de maladies. Et le frère, comme ils sont en Allemagne, ils ont dit que la législation en Allemagne ne leur permet pas de pratiquer l'euthanasie, mais ils le font en silence. Et nous avons entendu dans ses propos la gêne qu'il y a de pouvoir admettre que c'est eux qui ont tué une personne. Alors, sur ce, est-ce qu'on ne peut pas admettre que l'euthanasie, telle que nous sommes en train de le présenter, telle que la médecine moderne présente, n'est pas un coup de botte de la part du Seigneur pour leur dire que là où votre connaissance limite, c'est en principe là où je devrais commencer. N'est-ce pas un signal de la part de Dieu pour montrer effectivement que malgré leur prouesse, malgré leur développement, malgré leur connaissance, il y a des choses qui leur échappent et qu'il faille qu'ils se soumettent au Créateur? Ben, tout à fait, tout à fait. En fait, effectivement, ça dit qu'on arrive à cette étape-là où on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire. C'est pas comme, je sais pas moi, un paludisme simple où tu mets un traitement, tu vois très rapidement le lendemain, le surlendemain, la personne se reprend et tout. Non, les cas dans lesquels on en arrive à se résoudre à pratiquer l'euthanasie, c'est des cas où on a atteint nos limites en tant que médecin. Voilà. Et donc, c'est justement là, à cette étape-là, que normalement, on devrait fléchir genoux et pour que le Seigneur démontre sa puissance. Voilà. Si vous le permettez, on prend encore une prochaine pause en suivant les prochaines vidéos. Vous le permettez? La sœur est encore là? Ou bien elle est dans les pleurs de repentance des différentes Je personnes suis là, accusées? mon Ok, frère, je suis ok. là. À tout à l'heure. La sœur Karine du côté du Canada, elle est là? Je crois qu'elle a de Oui, frère Junior, Oui, tu es allé je suis là. Ok, alors, prochaine vidéo. Ça, c'est en Suisse maintenant. Pour finir ma vie gentiment, intelligemment, et tout souffrir comme un idiot. Oui. Et est-ce que vous savez ce qui se passera quand vous ouvrez ce truc-là que vous avez dans la main? Oui, ça va m'endormir. Oui, ça va vous endormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais passer de vie à la mort. Oui. J'en suis très conscient. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez définitivement? Effectivement, c'est Oui. mon premier projet. Et ce que je désire le plus. Oui, c'est ça que vous voulez le plus sur Voilà. le monde, mourir. Mourir. Oui. Alors, si vous voulez ça, vous pouvez maintenant ouvrir ce truc et le médicament va venir dans votre. Et puis, il faut que j'appuie 10 fois. Non, vous devez, comme vous nous avez fait avant, vous devez mettre la roue en eau, tout en eau. Oui, tout en eau. Comme ça, si vous voulez mourir, hein? C'est bien. Encore un tout petit peu, ça va. Maintenant, c'est juste. Ça va, ça va. Alors, 8, oui? 9, 10. Voilà. Avant de passer à la prochaine vidéo, commentons celle-ci. Cette procédé-ci, je vous pose la question maintenant, à qui veut prendre la parole? Cette procédé-ci, là, nous venons de la voir sur la chaîne M6, je crois, c'est une émission appelée zone, quoi, en quelle zone, quoi que ce soit. N'est-ce pas là d'essayer de se laver les mains, le sympa du Ponce Pilatisme ici, en remettant la clé de la mort entre les mains du patient, en lui demandant d'appuyer sur la gâchette sur sa propre tête? Qui prend la parole? Oui, mais clairement, enfin, frère, c'est de la sorcellerie. C'est quand même. Ouais. Soit, si vous estimez, enfin, que l'acte est légal selon vous, et que vous pourrez vous tenir devant le trône du Seigneur pour répondre de cet acte, ben, il faut le poser, il faut pas. Ça, c'est vraiment, c'est odieux, quoi. C'est poussé à l'extrême. Laisser la personne elle-même vraiment pratiquer cet acte, vraiment, franchement. Oui, frère Iba, là, Oui. on voit une espèce de conditionnement du patient. Cet homme est alité, et c'est comme si vous avez un coach qui essaie de motiver un joueur comment jouer pour pouvoir arriver à son but. Cette femme lui pose la Ça, question de savoir s'il est conscient de ce qui va arriver. N'est-ce pas un système de conditionnement qu'on lui admet? tout à fait. Mais en réalité, comme tu l'as si bien utilisé, le thème, c'est exactement ce que Ponce Pilate a fait. Ça ne va pas les dédouaner pour autant. Voilà, c'est eux qui ont mis les différentes substances dans la perfusion, c'est eux qui ont placé la perfusion et tout, et voilà. Donc, c'est eux qui ont donné la mort à la personne, c'est pas elle-même. Donc, Voilà. frère Cyril, c'est un peu comme mettre un pistolet avec de la balle là et on montre à un enfant comment appuyer sur la gâchette. Que c'est sur tes oreilles. Si tu essaies d'appuyer sur cette gâchette là, ça va sortir. Est-ce que la personne qui lui a donné le pistolet n'est pas accusable? Naturellement que l'accusable, on peut débattre sur la responsabilité partagée ou bien entière, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une responsabilité de la personne. Ça, c'est qui est sûr. Après, chacun, certains se dédonneront en disant que, bon, on lui a fait part de ce que Ça ça représente. représente. Il a fait son choix. Et s'il veut le faire, bon, il n'a qu'à le faire. Autant dire qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui prennent des comprimés, des cachets, ils boivent, ils meurent. Oui. Donc, c'est un Alors, peu ça. justement, tu fais mention là d'un cas qui nous intéresse. Lorsque quelqu'un prend le cachet chez lui, il meurt, on dit que cette personne s'est suicidée. Lorsqu'il se jette sur les rails, on dit qu'il s'est suicidé. Lorsqu'il se met de la corde au cou, on dit qu'il s'est suicidé. Mais à l'hôpital, on dit c'est l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? L'euthanasie, déjà, en fait, la sœur, elle a bien fait de le préciser, et même le frère Yassine a encore appuyé dessus. La limite vraiment entre ce que le médecin fait et qu'il engage personnellement et ce que le patient veut n'est pas facile à tracer, hein. Elle n'est pas facile à tracer. Parce que si un patient vient, en allemand, il y a ce qu'on appelle Patientenverfügung. Ça veut dire que ce sont les vœux qu'un patient décline sur un document de ce qu'il voudrait dans la situation X ou bien Y. Sa dernière volonté. Dernière volonté. Ça veut dire qu'aller à l'encontre de ça, c'est se faire. En fait, c'est se mettre. En fait, c'est C'est se marcher sur poser carrément. le droit du médecin, du patient. Oui, c'est un délit en fait. Si un patient dit par exemple que si mon cœur s'arrête, je ne veux pas qu'il réanime. Si vous il a écrit essayez ça de façon de le claire. réanimer, vous allez lui dire pourquoi vous lui avez rendu la vie. Il porte plainte. On a des cas comme ça. Un monsieur il a dit clairement qu'il ne veut pas réanimer. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas su. Il a réanimé le gars, on a porté plainte. Et il gagne le procès, puisque c'est clair. Tu vois un peu? Donc, tu vois, c'est un peu. Ou bien, comme le frère Yassine disait, quelqu'un qui est en phase terminale pour la médecine, Oui. pour la médecine, parce que ce sont tous des plaisantins. Et maintenant, la famille décide que, de façon conjointe avec les médecins, qu'il n'y a plus rien à faire. Et que de toute façon, précision importante, et que de toute façon, le patient lui-même n'aurait pas souhaité se retrouver dans un tel état, a été tenu par des machines, des sons, des consorts. Oui. Et par conséquent, il décide conjointement d'arrêter la thérapie. De là maintenant, tu vois, dit que c'est l'euthanasie. Mais maintenant, au niveau je sais pas moi, du partage des responsabilités, c'est très compliqué. De savoir qui fait quoi. Voilà. La sœur Karine, est-ce qu'elle est encore là? Je suis là, vous ne me voyez pas. Non, je crois que sur mon écran, c'est figé. Il faut juste cliquer sur ta caméra. Là, maintenant, c'est bon. On voit dans des situations, des hold-up dans les différents coins du monde, des gens qui sont dépassés par des vies. Peut-être certaines personnes qui ont eu des systèmes de marginalisation, soit la perte de leurs emplois, qui se mettent le pistolet sur la tête et menacent de se donner la mort au cas où le gouvernement ne réglerait pas son problème. Là, ne peut-on pas l'aider à mourir? Pourquoi pour cette personne, si on essaie de trouver des palliatifs, des solutions à son Exactement. problème, alors que de l'autre côté, on aide Exactement. effectivement la personne qui est couchée dans un lit, Quelqu'un qui qui a réclame la mort? il s'est taillé les veines. Oui, ma soeur, vas-y, vas-y, oui, quelqu'un qui taise les veines. De l'aider. Je n'entends pas, frère Junior, il y a quelqu'un qui parle. La sœur, elle Oui, parle. la soeur, tu as la parole, j'ai entendu tailler les veines, tu as encore tailler les veines de qui? En fait, mon frère, je disais, oui, tu as raison dans le sens où quelqu'un qui arrive, il s'est coupé les veines et on essaie de l'aider, quoi. Oui, donc vous avez eu des cas comme ça, des gens qui ont voulu faire des suicides parce que là, la personne souhaite justement mourir. C'est manifestement cela. Ah oui, j'en ai vu plein. Pourquoi vous ne mettez pas directement le tuyau là et essayez de retirer cette quantité de sang là qui pourra servir à d'autres patients qui aimeraient vivre? Vous l'assistez plutôt à vivre, lui, qui voudrait mourir. Ah, mon frère, ça c'est une question que moi aussi j'aimerais avoir une réponse parce que c'est très paradoxal parce que quelqu'un qui arrive et qui dit, bon, je veux dire, un patient qui arrive, on dit, bon, il a un tel statut, on va plus le soigner et machin. Et pourtant, quelqu'un qui clairement ne veut plus vivre, prend des médicaments et tout, on essaye de l'aider. Moi, franchement, je me suis posé cette question plusieurs fois, mais je ne comprends pas leur loi. Donc, Et ces lois ne sont pas remises en cause dans vos différents établissements hospitaliers. mais non, mais non, mais non. Celui qui se taille la veine, clairement, il a commencé à se couper les veines, il saigne de partout. Celui-là, on essaye quand même de le sauver. Et plus tard, on peut lui porter plainte pour tentative de suicide. Bien sûr. À l'hôpital, vous commettez le suicide, mais cette fois-ci, c'est légal. mais cette fois-ci, c'est légal, c'est ça. La sœur Karine, votre système-là, ça n'est-ce pas des paradoxes vraiment paradoxaux? Mon frère, c'est très compliqué, vraiment. Moi, étymologiquement, le médecin est fait pour aider un patient à vivre, c'est-à-dire de faire tout son possible pour que le patient vive. Mais maintenant, quand je faisais un peu la lecture sur l'euthanasie, on parlait, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé, on disait l'acharnement thérapeutique. Donc, quand le patient se rend compte que tu l'acharnes, alors que tu veux le sauver, alors que tu veux le sauver, c'est-à-dire, bon, tu veux l'aider, il trouve que tu fais un acharnement thérapeutique et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont créé l'euthanasie. Donc, il y a déjà ce cas-là, il y a le cas où la personne est vieille, et puis il y a le cas où, comme on dit, quelqu'un veut se suicider, mais quand il arrive à l'hôpital, au lieu de lui dire, OK, puisque tu veux mourir, bon, on te laisse mourir. Mais là, c'est cette personne-là plutôt qu'on aide. Je dis, C'est c'est des trucs pour paradoxal. lesquels c'est difficile de. Les hommes créent des lois qu'ils ne comprennent même pas, parce qu'ils sont emmêlés dans ces lois-là. Ils sont vraiment emmêlés dans ces lois. Donc, du coup, chacun essaie de, comme on dit, on va à tâtons, comme disait le frère Iba tout à l'heure. On ne sait même pas ce qu'on fait, en fait. On avance seulement là où ça donne. Là où on veut éviter d'avoir des problèmes avec la loi, on essaie de faire comme ça. Là où on veut éviter d'avoir des problèmes avec l'hôpital, comme quoi peut-être le patient va porter plainte, on essaie de faire. En fait, on essaie de faire des choses pour se sauver, nous. Nous, les médecins, j'essaie de me sauver de la. Si la loi dit que je fais comme ça, je fais comme ça. Si la loi dit que non, tu ne dois pas faire comme ça, tu ne fais pas. Si la. Et on se. Et finalement, on se trouve en train de se compromettre à tous les coups. À tous les coups, parce qu'on dépend de ce système-là, malheureusement, qui est établi sans aucune crainte du Seigneur. Et puis, on se retrouve en train d'avancer. Je ne sais même pas où on va. Moi, je me demande pourquoi je suis médecin. Vrai, vrai, hein? Depuis là qu'on parle, depuis quelques jours là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je Et veux parler dans la rassure-toi, Bible, nous allons toucher vraiment des épineux problèmes de ces siècles. Sinon, on va à la lumière de la parole de Dieu. Et certaines personnes qui avaient raté les vocations chercheront leur la vocation du côté du Seigneur. Je reste avec toi, ma soeur, ma chère soeur. mais. Quelle est la différence entre votre conscience, vous, qui m'écoutez maintenant, vous les médecins chrétiens, et les leurs, ceux-là qui pratiquent sans état d'âme. Quelle est la différence de vous entre votre conscience? Moi, je pense que... Autrement dit, pourquoi vous vous ressentez de l'apathie, de la sympathie pour des personnes, de la crainte respectueuse vis-à-vis de la vie d'une personne, alors que cela n'en fait aucun cas? C'est comme pour eux, c'est comme tuer un poulet. Pourquoi? Moi, je pense que c'est juste la nature que le Seigneur a donnée. Parce que même sans être chrétien, j'ai lu certains sur l'euthanasie toujours, certains médecins, qui sont en soins palliatifs, qui sont avec le malade pendant longtemps, ils créent un certain attachement. Et ça fait que tuer ce patient-là, pour eux, devient difficile. C'est-à-dire, faire l'euthanasie à ce patient, pour eux, devient très difficile. Donc, du coup, ils disent non, vraiment, nous, on ne peut pas. Parce qu'il s'est créé ce lien d'attachement-là avec le malade. Oui. Donc, pour les médecins qui sont chrétiens, qui connaissent le Seigneur, justement, par crainte du Seigneur et parce que le Seigneur dit dans sa parole, ses commandements et tout, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On faisait peut-être avant l'avortement, les trucs comme ça, mais qu'aujourd'hui, c'est très peu probable qu'un enfant de Dieu se mette à faire ça, tout simplement parce qu'il craint le Seigneur. Voilà, tu fais bien de mentionner le cas de l'interruption volontaire de grossesse que nous allons également voir avec toutes les différentes facettes et les différentes législations qu'on a dans le monde entier concernant cela dans une autre prochaine édition. Permettez-nous que nous passions aux prochaines vidéos intitulées l'euthanasie sur ordonnance sur la chaîne YouTube. C'est un documentaire de l'ARTE. 47 ans lorsqu'elle a décidé de s'euthanasier. En apparence en pleine forme, cette mère de deux enfants souffrait d'acouphènes, un mal qui rend le moindre son insupportable, comme elle l'a confié avant de mourir. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est d'entendre des sons dans sa tête 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des sons dissonants et douloureux comme des ongles sur un tableau noir ou un vieux train grinçant. Aucune médecine ne l'a soignée. Elle a alors fait appel à la clinique de fin de vie, une institution unique aux Pays-Bas. Son compagnon l'a épaulée dans cette démarche. Dans phase 1, dat je dossier aanlevert, daar kunnen ze natuurlijk al op zeggen. D'abord, vous remplissez un dossier. Maar ik weet niet of ze daar al nee op zeggen. Dan après, un psychiatre vous rend visite. Dan, puis après, vous êtes inscrit sur une liste d'attente jusqu'à ce qu'une équipe soit disponible. Dat duurde ook best even. Un docteur et une infirmière de la clinique. Totdat er een team vrij was. Et quand la clinique donne son accord, cette équipe vient chez vous et vous accompagne jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier moment, Gabi aurait pu dire non. 6 semaines seulement après sa demande, Gabi a pu boire une solution létale. 15 ans après sa légalisation, l'euthanasie pour des troubles psychiatriques est en forte hausse. 9 cas en 2013, 165 en 2015. Acouphènes, dépression chronique, troubles post-traumatiques, comme cette jeune femme de 20 ans qui ne s'est jamais relevée de 10 années de viol. Cette clinique de fin de vie, ouverte en 2012, a reçu 400 demandes l'année dernière. Pour être acceptée, chaque cas doit être analysé par un médecin, puis un psychiatre indépendant, comme Johan Huisman. C'est très important que le psychiatre en charge de l'euthanasie laisse un second expert juger de la situation, pour voir s'il existe un autre traitement possible, si le patient a la capacité suffisante pour exprimer ce qu'il veut vraiment, et s'il n'y a pas de pression extérieure pour qu'il demande l'euthanasie. Sur les 5516 cas d'euthanasie pratiqués l'année dernière aux Pays-Bas, les cas psychiatriques sont encore rares. Tous ont été examinés a posteriori par une commission d'experts, seulement 4 ont été contestés. Pour ce docteur en sciences cognitives, le droit à l'euthanasie serait trop largement accordé. Je me fais du souci concernant la publicité et le marketing très fort autour de l'euthanasie. Chaque année, il y a une semaine de l'euthanasie. On fait presque la fête comme si l'euthanasie était une si belle invention. Des figures publiques hollandaises font de la publicité pour dire combien c'est génial de prendre son propre destin en main. On pratique l'euthanasie pour des problèmes psychiatriques de tout genre, qui sont plus des problèmes sociétaux que des problèmes médicaux. Cette mère de famille aimerait au contraire que l'euthanasie soit plus souvent proposée par les médecins traitants. Sa fille de 28 ans, qui souffrait d'un trouble de la personnalité, s'est suicidée, un sac plastique sur la tête. Une mort indigne, selon elle, à cause de médecins restés sourds à sa douleur. On rencontre souvent des psychiatres qui disent à leurs patients « Tu n'as pas encore essayé tous les médicaments, tu vas essayer ça, puis ça ». On ne dit pas ça à des patients atteints de cancer. Ces patients peuvent dire à un moment « Ça suffit, j'ai lutté jusqu'ici et je ne veux pas aller plus loin ». Les Pays-Bas n'ont pas fini d'attirer les regards. L'année dernière, l'association néerlandaise des pédiatres a demandé d'avancer à 12 ans l'âge limite pour être euthanasié. Voilà, voilà. Merci pour ce vox pop de l'émission de la chaîne RTE. D'après ce qui ressort de cette petite extrait, selon les dires et les statistiques de la journaliste, l'année dernière, 5516 cas d'euthanasie a été observé. 5516 cas. Prenons une respiration musicale et revenons le temps que ça s'établit. The God that healeth thee, I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord. Your healer, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God. Blouse blanche dans la sainteté, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, je crois que tout le monde est là après cette instabilité de la connexion et cette ponctuation musicale servie par Don Juan. You are the, I am the Lord that healeth thee. Alors, avant que nous allions en pause, la sœur Karine est là. Je crois que le frère Yassine, tu nous écoutes. Le frère Cyril est-il là? Oui, c'est ça. Voilà, le frère Yassine, est-ce que tu nous écoutes avant qu'on... La sœur, bonsoir encore et bienvenue. Mon frère. Oui. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur vous soient multipliés. Alors, le frère Yassine, nous suis Saint. Donc, avant que nous ayons cette ponctuation-là, nous regardions cette voix proposée par l'RTE. Et dans cette voix pop, je disais, avant de vous passer la parole, que la journaliste mentionne, d'après les statistiques du Pays-Bas, cette année-là, l'année précédente, cette documentaire, 5516 cas de personnes euthanasiées. Et sur ces 16 cas, les statistiques montrent clairement que c'est seulement 4 qui ont été contestés. D'après, ça veut dire 5512 personnes ont été tuées par des médecins aux Pays-Bas l'année précédente, cette vidéo. Commentaire, Freiba. En plus, bon, je sais pas si on va revenir, si on peut, on va revenir en long et en large sur les raisons pour lesquelles on arrive à tuer autant de personnes. Mais dans le documentaire, il y a le cas de cette dame, mère de deux enfants et tout, qui a beaucoup attiré mon attention. Oui. On voit clairement que la pauvre dame, elle était possédée, en fait. Voilà. Et donc, essayons maintenant, vous, en tant que médecin, en même temps, vous appartenez aux deux mondes, le monde de la médecine et le monde chrétien. J'ai listé justement les trois cas qui sont mentionnés dans cette vidéo, le cas de cette femme, le cas de cette autre fille violée et le cas de ceci. Lorsqu'on fait le diagnostic, vous, en tant que médecin, qu'est-ce qu'on ressort, qu'est-ce qu'il en ressort, justement? Allons-y. Oui, clairement, celle qui est violée, certainement au coup du viol, puisque le viol est une porte ouverte. Plus de 20 fois. Donc forcément, elle a été possédée. Et donc, clairement, il aurait fallu simplement la délivrer. Puis, voilà. Oui. Elle n'aurait plus ces problèmes qu'elle avait. Oui. La mère aussi qui entend des voix. 24 sur 24, des sons. Elle dit que c'est insupportable. Mieux, elle meurt. Mais voilà, c'est clairement, c'est des démons. C'est tout. C'est simple. Frère Yassine, frère Cyril, une autre fille qui s'est suicidée en mettant de sacs plastiques et donc en stoppant sa respiration, la mort par asphyxie, et sa maman ou bien ses parents concluent que l'ancêtre, ce style de mort, c'était une mort indigne parce qu'on lui a refusé la peine d'éthanasie. Elle a dû se suicider pour pouvoir supprimer sa vie parce qu'elle ne pouvait plus en supporter. Donc, le suicide par asphyxie avec le nylon étouffant la nuque est indigne par rapport à ce qu'on fait à l'hôpital, parce que à ce que vous pratiquez. Quand tu parles comme ça directement, l'exemple du tu as dit que l'exemple du maquillage et de la chirurgie esthétique vient dans mon esprit. Oui. Ah, voilà, justement, voilà un autre thème que nous allons relever ici, le maquillage, la chirurgie esthétique et les causes sur le corps humain et à l'insulte de la gloire de Dieu. Merci, frère, pour les différents thèmes que vous sortez, les médecins. Ça veut dire que quelqu'un qui peint son visage avec les bouches à lèvres, les quoi sur son visage, là. Oui. Il peut être soi-même. Oui. Ça veut dire qu'il déforme l'œuvre de Dieu lui soi-même. Mmh. Et l'autre va maintenant voir le médecin chirurgien. Oui. Esthétique pour refaire les seins, refaire les joues, refaire les yeux, refaire quoi là. Mmh. Donc, c'est un parallèle par rapport à ce cas-là. Mmh. Donc, la mère est indignée parce que ce n'est pas les professionnels de la mort qui ont fait le travail. Mmh. Et que c'est elle qui a dû indignement se sauter la vie soi-même. Mmh. Donc, c'est... C'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Dans cet extrait, je reste avec vous. Quelqu'un pourra prendre la parole s'il le veut. Dans cet extrait, je vous rappelle que lorsque nous faisons l'extrait, j'ai mon stylo avec ma feuille et je prends des notes. Donc, j'ai noté plusieurs choses là. Dans cet extrait, un monsieur fait état du fait que c'est quand même bizarre qu'aux Pays-Bas, chaque semaine, il y a la semaine de l'euthanasie et il fait état de la publicité à outrance par rapport à l'euthanasie. Et il signifie que normalement, l'euthanasie, le problème de l'euthanasie, c'est un problème sociétal, c'est plus un problème sociétal plus que médicinal. Qu'est-ce que vous voulez par là dire par les gens font face au problème de la société plus que de la médecine? Et il signifie que les gens ont fait beaucoup plus de la publicité, comme si c'était quelque chose pour la semaine. Qui veut mourir, venez à l'hôpital. Qui veut mourir, c'est très bien pour mourir dignement. Vous voulez mourir, venez à l'hôpital Saint-Jean. Nous sommes là disposés à vous donner la mort. 24 sur 24, une équipe est à votre service pour vous faire bien mourir. La soeur des urgences, là, elle est où, là, la soeur des urgences? Donc votre hôpital ne fait pas de publicité comme le cas de ce monsieur là des Pays-Bas. Non, pas encore. Il n'y a pas encore de publicité. Mais je pense que comme c'est légal et je pense qu'ils n'ont pas. Oui. Revenons sur les deux points principaux que j'ai notés là. 5512 personnes tuées en un an par des médecins. Sans compter de ceux qui vont mourir, les enfants, les avortons qui vont être expulsés. Ce n'est pas mis dans ces cas-là. Ici, c'est le cas des gens qui sont morts de façon assistée. Sans toucher le cas des gens qui sont morts clandestinement dans les hôpitaux dont on ne fait pas mention, on n'a pas fait les statistiques. Sans compter des cas des interruptions volontaires de la grossesse véritablement légales. Lorsque nous allons voir ces cas-là, je crois que les statistiques vont encore beaucoup plus parler. Qu'est-ce que vous en faites en écoutant donc 5512 personnes mortes en un an dans un pays, dans les hôpitaux? N'est-ce pas, ça donne de la sueur froide? Les médecins sont sans voix. Tout à fait. Oui, ça montre un état de désespoir. Hein. Ça montre un état de désespoir. Ça montre vraiment que la société cherche quelque chose qu'ils ne savent pas trouver, quoi. Parce que c'est dommage quand même, parce qu'il y a des cas où j'imagine que cette jeune femme, si elle savait qu'il y avait un Seigneur qui pouvait la sauver, je ne crois pas qu'elle aurait refusé cette aide. Mais désespérée. Bon, elle a fait un choix qui n'est pas ce qu'elle aurait dû faire, à mon avis. C'est dommage. Voilà. Oui, Frère Eba voulait parler. Oui, et puis ça montre que finalement, bon, enfin, tout ça, je pense que quand ces gens s'engagent dans ce processus, certainement, bon, ils ont décrit un peu la démarche. Vous êtes pris en charge par une équipe, vous payez de l'argent. Donc, l'argent a pris le dessus. C'est le mammonisme qui est au devant de tout maintenant. Voilà, la vie humaine n'a plus sa valeur d'antan. Parce que même dans les sociétés européennes, c'est des choses qu'on n'aurait pas vues avant, hein. Absolument. Voilà. Voilà, donc c'est l'argent, la recherche de l'argent, peu importe la façon dont on gagne cet argent, voilà, c'est un peu ça. Alors Frère Eba, je reste avec toi. Cet homme avec cette petite voix dans la vidéo, dans cet extrait, qui veut faire entendre le non-sens de cette campagne publicitaire concernant l'euthanasie dans son pays, le Pays-Bas, dit que les gens souffrent beaucoup plus de problèmes sociétaux plus que le problème médical. Il essaie d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que ce problème-là est un problème d'ordre de la société, pas de la médecine. Qu'est-ce qu'il voulait tout là signifier? Oui, il voulait dire que effectivement, c'est pas la maladie, les gens, non, enfin... C'est vrai que l'OMS va définir la maladie quand même, ou du moins la santé, comme un état de complet bien-être, hein, aussi bien physique, mental, donc qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça englobe un peu tout, mais ce qu'il voulait dire, c'est que ce n'est pas, les gens ne sont pas, n'ont pas des maladies physique en tant que tel, mais voilà, c'est la société est en train de se dénaturer, pour ne pas dire, c'est vraiment dénaturé, on est pratiquement au bout du rouleau là, voilà, donc voilà, la société n'a plus de repères, les valeurs ont foutu le camp et tout, donc finalement les gens ne savent plus voilà vers où aller, en fait, c'est parce que ils n'ont pas le guide qu'il faut. Oui. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth, c'est là qu'il faut en venir. En fait. Voilà, la sœur Reine, une femme dit entendre des voix 24 sur 24, c'est atroce, c'est invivable. Elle dit c'est le train, c'est comme si c'est le train qui freinait sur les rails dans sa tête chaque fois. Les médecins, tes collègues diagnostiquent, ils parlent des troubles de personnalité. Il y a d'autres personnalités qui se manifestent. D'autres personnes encore sont violées, d'après ce reportage, et elles manifestent beaucoup de personnalités. Avec le recul, tu dirais la même chose, n'est-ce pas, avant que tu ne sois chrétien? C'est clair. Maintenant, qu'est-ce que tu leur diras? Bah, qu'ils sont tout simplement possédés. Voilà. Justement, ils ont besoin de délivrance. Parlant de possédés, donc maintenant, faisons un cas, un pas dans la Bible, et avant de ressortir pour continuer dans le cadre de la médecine. Marc, chapitre 5. Marc, le chapitre 5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Marc, le chapitre 5. Vous y êtes? Oui. Marc, le chapitre 5, permettez-moi de trouver. Matthieu, Marc. Nous allons lire à partir du verset 1. Et nous allons voir un cas de figure là-bas. Et je vais vous poser la question, si c'est déjà le cas et vous étiez amené, si vous étiez, nous attendons les chrétiens qui sont les psychologues, les psychiatres, avec les amateurs de Sigmund Freud. Nous les attendons pour faire le diagnostic ici maintenant. Je vais lire à partir du verset 1, déjà, de Marc chapitre 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur, dont l'esprit impur habitait son corps. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Les médecins ont construit maintenant un centre maintenant dans lequel on ferme les gens en détention avec les vitres vraiment blindées. Ils ont les ceintures pour sceller les gens, les menottes pour sceller les gens sur le lit. J'arrive maintenant après la lecture. La Bible déclare, même avec une chaîne, ça suppose que s'il avait été dans l'hôpital psychiatrique de Charles le Roi, il aurait cassé toutes les vitres. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. 1. Criant. 2. Et se meurtrissant avec des pierres. La médecine appelle cela l'autoflagellation. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. » C'est les démons qui parlent. « Ne me tourmente pas. » Verset 8. « Car Jésus lui disait, sors de cet homme. » Dans le livre de la médecine spirituelle, c'est écrit que l'analyse du corps de cet homme montrait des présences des êtres. L'appareil spirituel mis au devant de lui montrait que le scanner présentait des individus malsains dans son corps. Et ces individus malsains créaient d'autres personnalités dans son corps, dont la médecine appelle aujourd'hui les troubles de personnalité ou bien multiples personnalités. Verset 9. Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » La Bible déclare « nous sommes plusieurs ». Mais c'est une voix, médecine moderne, écoutez-moi, c'est la voix, une seule voix qui en a de parler, mais cette voix se parle au pluriel. Et cette voix dit que cette personne qui s'auto-flagelle, il y a des personnes qui se piquent dans votre médecine moderne, des personnes qui viennent qui mangeant des bouteilles, d'autres qui viennent mangeant, étant accro à la drogue, étant habité par des esprits, d'autres étant violents, qui se font des mal avec la tête, ainsi de suite. La Bible déclare, « Légion est mon nom », lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs ». Verset 10, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc c'était des démons territoriaux. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons, finalement leurs noms sont sortis. Et les démons. On a dit au verset 2 que cet homme était possédé d'un esprit impur. On les a entendus parler, donnant leur nom que c'est Légion, parce qu'ils sont plusieurs. Et au verset 12, on signifie clairement que ces esprits impurs appelés les gens sont des démons. Aujourd'hui, dans des festivités païennes telles que en Inde et autres, là-bas, des festivités de fin d'année des différentes divinités, on voit effectivement comment les gens vont faire des expériences pour être canalisés. En anglais, ils parlent de channel, pas des esprits. Ils font des expériences où ils mettent les aiguilles sur leurs joues et ça fait sortir de l'autre côté sans sentir des douleurs. D'autres s'auto-flagellent au point où le sang coule. D'autres, on peut les frapper et piquer des couteaux sur leur corps sans qu'ils ne ressentent. Ils disent qu'ils sont en train d'expérimenter. Ils ont besoin de l'expérience spirituelle, ne sachant pas que ce sont ces démons qui les possèdent. Justement, parce que cet homme, s'il y avait des chaînes, il est coupé et il se faisait du mal. Il dormait dans des cimetières. Un homme n'est pas fait pour dormir dans des cimetières. Un homme n'est pas fait pour se faire du mal. Quand quelqu'un s'est fait du mal seul sur son propre corps, ça montre qu'il est habité par un autre esprit. Par un autre esprit. Il le fait sur l'impulsion de notre esprit. Verset 12 encore. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Nous entrions en eux. Il le leur permit. Donc, sur cette base-là, à l'hôpital, Jésus n'a pas fait l'euthanasie même des démons. Il leur a permis d'aller survivre dans les porcs. Pas les porcs que nous mangeons aujourd'hui, amis musulmans. Pas les porcs. que nous mangeons aujourd'hui. Parce que ce n'étaient pas les ancêtres de ces porcs-là. Ça, c'était le porc au Moyen-Orient. Nous avons nos porcs ici. Verset 13, il leur permit. Et les esprits au pluriel, et les esprits impus sortirent, entrèrent dans ces pourceaux, et le troupeau se précipitait des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000. Donc, les différents esprits sont entrés dans ces différents ports. Ça veut dire que si on prenait les ports, il y en avait 2000 ports, on prenait chaque port en le rendant invisible, ces ports-là pourraient entrer dans le corps de cet homme-là, parce que les esprits sont entrés dans chacun de ces ports. Maintenant, verset 13 encore, il leur permit et les esprits impus sortis, entrer dans les pousseaux et le troupeau se précipitait des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Donc, amis musulmans, les ports dans lesquels les esprits sont entrés sont morts dans la mer. Ce n'est pas dans tous les ports que Jésus a envoyé les ports. Verset 14, ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Jésus voulait dire à cet homme-ci que, à ces hommes-ci qui faisaient perdre, que vous vous occupez de vos biens. Le porc qui marche dans la boue, alors que le véritable être humain a besoin de délivrance, se trouve dans les montagnes. Donc, à partir de ces jours-là, Jésus-Christ a enrichi cet homme de la vie pour appauvrir ceux qui vendaient le porc. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint, écoutez bien le type de médecin du moderne. Il vint auprès de Jésus. Écoutez bien le type de médecin moderne. Il vint auprès de Jésus. Et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, un, vêtu, deux, et dans son bon sens. Et dans son bon sens, l'homme était assis, c'est-à-dire que désormais il était tranquillisé. Deux, il était vêtu, ça suppose qu'il n'avait plus de vêtements déchirés. Et dans son bon sens, donc il pouvait reconnaître son environnement maintenant comme un être humain. Et il fut saisi de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pousseau. Alors, il s'est mis à supplier Jésus de ne plus faire la médecine chez eux. Fin de citation. Supplier Jésus de quitter leur territoire. Que vous inspire donc avec ce que nous venons de voir dans cet extrait du Pays-Bas, avec ce que nous venons de lire dans les Saintes Écritures, avec votre propre expérience et les différents cas pathologiques que vous voyez, entendez dans vos milieux. La parole est à qui veut la prendre. Si cet homme-ci, au mieux encore, si cet homme-ci se présentait à un médecin moderne, comme le frère Cyril, dans son hôpital, et que tous les gens, on l'a arrêté, on l'a séquestré, on a mis des sédatifs dans son corps pour le calmer, le calmant. Il s'est levé même dans le milieu avec le calmant. Qu'est-ce qu'on dira de diagnostic médical de ce siècle-ci? Ah, moi, je dis tous les gros thèmes que je ne comprends pas. Double personnalité, paresse, schizophrénie, paranoïa. Moi, je dis tous les thèmes que je ne comprends pas. Bon, moi, j'ai quand même un psychiatrie, j'ai quand même un sujet. En fait, pendant que j'étais étudiant, j'ai fait quelques 2 ans sur Jati. Je faisais ce qu'on appelle je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça veut dire que je suivais les patients qui sont un peu délicats. Oui. Normalement, on appelle ça un sur un peu trois. Donc, ça veut dire que je devais rester toute la nuit avec eux, quoi. Quand tu parles de délicats, quel était leur état? Pour que les gens qui nous écoutent puissent. Ça veut dire que c'est des gens d'abord qui peuvent quitter l'hôpital. Ils peuvent s'enfuir, ils peuvent s'en aller, ils peuvent fuguer, ils peuvent s'évader, même ils ne peuvent pas quoi. Ou bien ils représentent un danger pour les autres personnes et lui-même. Et là, comment vous les mettez à un espace de dans une espèce de prison médicale? Bon, prison médicale, on peut exprimer ça comme ça, mais bon. C'est qu'il y avait des mesures qui étaient prises pour qu'ils soient toujours contrôlés, pour qu'on les suivait toujours. Quoi. Raison pour laquelle j'ai passé pratiquement 12 heures de temps avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait certains qui devaient suivre. Même quand ils vont aux toilettes, ils devaient les suivre. Parce qu'aux toilettes, il peut prendre quelque chose là-bas, il pèse, il se crève les yeux. En fait, ils devaient les suivre, en fait, pour certains. Et durant ta période d'études d'étudiant, qu'as-tu constaté avec ces gens-là? Ils sont considérés à 99%, tous. Il y avait certains qui, si tu n'as même pas le courage, tu vas fumer. C'est-à-dire, son visage est déformé, c'est-à-dire que il parle, il dit des choses qui n'ont pas de sens, il dit qu'il voit telle personne. Bon, toi, tu ne vois pas, mais moi, j'avais tout l'impression qu'il voyait. Mmh. En fait, ils sont possédés. Mmh. Ils sont possédés. Mmh. Tout simplement, ils sont possédés. Mais la médecine dit que c'est le parano. Il y a même certains, à l'époque, avec mon zèle légendaire, oui. C'était pour qui j'ai même voulu prier, mais les cris qu'ils ont lancés là-bas, il dit que tu continues ici-là, quand on va venir me chercher, il faut aussi là que je suis en train de le marketer. Donc tu as fait ce que les gens ont fait à Jésus de quitter le territoire. Comment ça? Comment ça? Tu n'étais pas content que ce monsieur-là soit libre? Non, mais ça dit que il commençait à crier, à haute voix, crier. Donc j'ai compris qu'il y avait un conflit entre ce que je voulais faire, déployer l'amour de Christ, et ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Connaissant ces choses spirituelles, pourquoi n'as-tu pas continué donc pour le libérer? Tu l'as laissé donc aux démons, les gens, pour que les démons. Non, d'abord, bon, je ne sais pas, bon, tu me l'avais su que il allait être libéré. Deuxièmement, les cris qu'il était en train de manifester. Ça a alerté les gens, et puis bon, on a dit que, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Mais tu n'as pas dit démon, calme-toi, je te délivre, calme-toi, tais-toi. Ah, s'il m'appelait Junior, oui, bah. Mmh. Y aller, hein? Oui. Donc, alors, Frère Yassin est arrivé à la maison, Qu'est-ce que t'inspire la lecture de Marc chapitre 5 maintenant de ces garages, c'est fou, ce qu'on appelait fou, bien cette personne qui avait multiples personnalités dans le livre de Marc, à la lumière de la médecine moderne, mon cher. Je rappelle pour ceux qui viennent nous prendre que nous sommes encore sur le cadre de l'analyse de l'euthanasie. On n'a pas encore touché le cadre biblique parce qu'il y en a plein de cas là à tourner. Nous nous trouvons de côté de le temps que le frère. Yacine se met parce qu'il est arrivé à la maison avec le sang de cou. La sœur reine. Il ne peut pas répondre. Oui. La sœur reine. J'espère que la sœur ne dort pas ou n'est pas en train d'éterniser quelqu'un en urgence maintenant. Où tu es là? Je suis encore là, mon frère. Avant de continuer, tu nous promets donc de ne plus tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. C'est difficile de ne pas tuer, vu la législation en Belgique. Mon frère, je ne veux pas les tuer. Je ne les tue pas. C'est compliqué, mon frère. Eh bien, maintenant, comment faire donc si tu te retrouves dans ces mêmes cas de conditions, des gens qui viennent en urgence et qui sont. Tes chefs te disent c'est à toi de t'occuper de ce monsieur, d'enlever les choses respiratoires pour qu'il puisse mourir ou bien d'arrêter la pression cardiaque. Qu'est-ce que tu feras maintenant désormais que tu connais que c'est mauvais? Désormais, je vais dire non. Au prix de quitter ton emploi? Mon frère. Allez, là, mouiller, c'est mouiller. Même si on met 15 000 euros en jeu, avec des primes. Mon frère, c'est même pas là. De toute façon, ce que je faisais, on ne m'avait même pas donné 5 francs. Donc, tu l'avais tué gratuitement, alors. Si tu non, avais, je ça, dirais non. Ça veut dire que si tu avais été au Canada, tu devais avoir des centaines de milliers d'euros. Donc, la sœur, elle nous dit clairement qu'elle n'a pas tué les vieilles femmes de 95 ans. Alors, Avant de continuer, dans ton témoignage, tu parlais d'une femme, une maman qui est arrivée avec 95 ans. Ça veut dire qu'elle était dans l'état de son extrême vieillesse. J'ai noté ici que dans ton témoignage, tu disais que cette femme-là était seule. Ça suppose que cette femme n'avait pas de famille et qu'elle était issue certainement. D'après ce que tu as dit, si je me trompe, tu veuilles me corriger. D'après ton témoignage, on a cru entendre que cette femme-là sortait d'une maison de quoi, comment vous dites ça? Une maison de repos. Au mieux des prisons pour les vieux. On pourra appeler ça de façon claire la prison pour les personnes âgées. Alors, je pose donc la question. N'est-ce pas la dislocation de la société, de la famille créée par Satan au fil des temps en Europe qui crée ce dysfonctionnement dans leur habitude? J'ai noté la solitude, la division pour mieux régner, la peur de l'autre. Parce que maintenant, chaque personne construit sa propre vie, ne dépend pas de l'autre. Vous pouvez habiter dans un immeuble, quelqu'un met dans un appartement voisin, on ne sait pas qui y habite, personne ne dit rien à personne. Les gens grandissent comme ça, dans une société à peur, chacun a peur de son voisin, et il grandit comme ça, solitaire. Est-ce que c'est la société tant voulue par le Seigneur notre Dieu? Mais bien sûr, c'est la société. On parle toujours du. On va partir par le premier point déjà. Ici, on va dire qu'ici en Europe, déjà, il y a, comme tu dis, la société, le fait de ne pas vouloir faire beaucoup d'enfants. Donc, on commence par, on va dire, le travail. Il faut travailler pour pouvoir vivre. Il faut. À un moment donné, les gens sont aussi égoïstes. Ils disent, OK, bah, il faut que je travaille, il faut que j'ai telle somme d'argent pour pouvoir fonder une famille. Mmh. À un moment donné, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, parce que peut-être trouver le mari, c'est difficile. À un certain âge, on ne peut plus avoir des enfants, et ainsi de suite. Donc, il y a autant de choses. Et il faut dire que ici en Europe, ils sont très, très égoïstes. Hein. Ils ne pensent qu'à eux. Il y a même des personnes âgées comme ça qui se retrouvent en maison de retraite ou parfois que nous, on retrouve aux urgences parce que le parent, en fait, il gêne. En devenant vieux, il gêne, en fait. Donc, les enfants attendent à prendre l'héritage que les parents ont travaillé à un certain temps. Ils veulent que les parents meurent pour qu'ils puissent toucher l'héritage. Il ne veut pas aussi mourir. Voilà, on s'est retrouvé avec des patients aux urgences comme ça que les enfants sont venus déposer et voilà, ils sont partis. À un moment donné, ils se retrouvent dans des maisons de retraite abandonnées par des enfants qui ne passent pas. Plusieurs, mais vraiment plusieurs, mais tous les jours on en voit. Donc la société déjà, Satan a tellement matraqué leur cerveau au point où ils se retrouvent là. Et cette dame, je sais, probablement elle n'a pas eu d'enfant, c'est sûr qu'elle n'avait pas d'enfant, mais le fait, si, peut-être c'est une dame qui a passé tout son temps à travailler ou qui s'est dit pourquoi avoir un enfant, de toutes les façons, il ne me sert pas. Voilà, je veux vivre, c'est ma vie. En fait, c'est ce qu'on voit ici. Malheureusement, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et elle se retrouve à cet âge, elle n'a aucune famille, même pas des cousins, parce que même s'ils en font, ses frères, peut-être ils en ont fait un, et après, ils meurent et elle reste toute seule. Elle se retrouve toute seule et c'est triste. C'est un peu ça, c'est la société en fait. Oui. Alors, comment peut-on expliquer, frère Cyril, comment peut-on expliquer, ou mieux la sœur du Canada, comment peut-on expliquer comment l'Europe en est arrivée là? Parce que là, nous sommes touchés au cas de l'euthanasie. Tous les autres points médicaux que nous avons à voir, les suicides collectifs, les suicides qu'on observe, je crois que chez toi en Allemagne, lorsque nous y étions, il y a des zones, une zone chez toi où les gens vont se suicider chaque fois au rail, à un passage de 30 qui passe là-bas, les gens. Je crois que c'est bien que Dieu fasse comme ça, qu'on se suicide à côté de ta maison, toi le médecin. N'est-ce pas, les gens se jettent aux rails, on passe d'abord, on entend juste comment le... comment en est-on arrivé là-bas? Parce que chaque société en Europe, particulièrement la société allemande, a forgé un système. Lorsque vous y êtes à l'intérieur de votre pays l'Allemagne, vous sentez justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cadre spirituel de ce pays-là. Comment est-on arrivé là, mon cher? Bon, tu sais, pour moi, j'ai fait mon... J'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Et bon, la Bible nous aide à ce niveau. En fait, il y a des principautés. Il y a des principautés qui gèrent les villes, les régions et les pays. En Europe, en général, une des principautés qui couvre l'Europe en général, c'est l'égocentrisme notoire. C'est-à-dire que chacun ne pense qu'à lui-même. Et le fait de penser à soi-même est la source de beaucoup de maux. Beaucoup de maux. Ici, quand tu vois les petits enfants qui vont à la crèche, les premiers mots qu'ils prononcent, c'est « mon »,« je ». C'est pour moi. Donc, on développe son « moi » depuis la crèche. Et le « moi », c'est qui lui appartient. Le sens de partage n'existe pas. Bon, pour beaucoup qui sont arrivés en Europe relativement tard comme nous, en fait, du moins c'est après le baccalauréat, ils se rendent compte que lorsque tu vas au restaurant avec les Européens ou bien ils t'invitent et qu'on sort, c'est-à-dire que c'est le me, mon. C'est-à-dire tout, c'est... Bon, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que chacun reste les pieds pour soi. Et ça se déploie aussi, ça se déploie aussi sur ce qu'on procrée. Donc, l'individualisme... L'individualisme est implémenté dans les gènes depuis la crèche. Partout. Il y a des gens ici, là, des parents ici qui vendent la maison à leurs enfants. Ils vendent la maison. Oui, qui prennent l'argent à leurs enfants. Qui était censé être leur héritage. Oui, ils vendent, ils prennent l'argent à son enfant. Ou bien, ça dit que c'est incroyable. Ça dit que c'est souvent, comme la sœur disait, certains sont là, ils attendent seulement que le vieux ou la vieille ferme l'œil. Oui. Il y a 3-4 voitures là, 2-3 appartements qui attendent là pour les liquider. Il n'y a pas d'amour. Oui, oui. C'est la société froide. C'est, comme tu disais, les voisins, tu vois, chacun vit sa vie, chacun. Enfin, on crée une autosuffisance virtuelle. Mm. C'est-à-dire, tu peux manger, tu peux te soigner, soi-disant. Et si tu ne travailles pas, on te donne quelques machins. Mm. On crée une autosuffisance virtuelle, en fait. Mm. Comment vous vivez, vous qui connaissez le principe de l'union, le principe de la sociabilité, le principe de l'entraide en Afrique, comment vous, dans, en transportant cela dans cette société, vous parvenez à vous en sortir? Ah, ne demande pas que si tu ne fais pas attention, tu es contaminé. Hein? Mm. Tu es contaminé, c'est-à-dire que quand tu viens de l'Afrique, tu as une certaine chaleur que tu as. Mm. Après 5 ans, 10 ans en Europe, vraiment, il faut se dire la vérité, tu as une compréhension, hein. Mm. Tu deviens un peu insensible, même inconsciemment à certaines choses. Mm. Même inconsciemment, oui, à certaines choses. Mm. Oui, c'est le Seigneur qui te racape toujours, mais il y a beaucoup de choses auxquelles tu deviens insensible. Oui. Parce que l'Europe, les gens sont tellement en crise, tout dans les coudes tout le temps. Ce n'est pas évident, hein. Mm. Ce n'est pas évident du tout. Alors, Freiba. Oui, mon frère. Ce sont ces choses que nous dénonçons et dont le frère est en train d'expliquer dans la société européenne qu'ils veulent implémenter en Afrique sous la couvert de la démocratie. C'est ça. Que doivent faire nos chefs d'État et gouvernement, tous ceux là, qui ont encore la valeur morale de l'Afrique? Que doivent-ils faire avec, en entendant de telles choses? Les donneurs de leçons modernes maintenant qui implémentent et placent les chefs d'État sur place, qu'est-ce qu'on doit faire nous en Afrique? Non, non, il faut maintenir nos valeurs. Mm. C'est-à-dire, c'est sûr que tous les systèmes de gouvernance qui sont imposés à nos États, de toutes les façons, ils n'auront pas d'autre alternative que de s'y plier. Mm. Cependant, il y a des moyens quand même au niveau de, à travers l'éducation, le système éducatif et tout ça qui est en place, de maintenir quand même un certain nombre de valeurs où les gens, pour apprendre aux enfants toujours à respecter les autres, les aînés et tout, et ne pas, voilà, de voir des parents, des enfants mettre leur père, leur mère dans des camps de concentration pour les accompagner. C'est de l'euthanasie subtile où on les accompagne à la mort pratiquement, puisque ils sont délaissés pratiquement quand on les met dans ces camps-là. Mmh. Mais la Bible nous dit aussi que les enfants, c'est ce que les parents nous auront appris que nous allons leur rendre. 1 Timothée chapitre 5. Donc, tout à fait. Mm. Et donc, voilà, les parents aussi dans les sociétés européennes, dès que l'enfant, il a à peine 1 an, 2 ans, on le met dans une crèche. Oui. Et là, on court derrière l'argent tout le temps, tout le temps. L'enfant n'a même pas d'amour de maternel et paternel. Et puis bon, après, voilà, quand il arrive juste à 18 ans, on le chasse de la maison, voilà, et ainsi de suite. Donc, finalement, voilà, c'est le retour de la manivelle. Mais nos chefs d'État ne doivent pas permettre que nos sociétés arrivent à ce niveau-là. Sinon, franchement, ça, déjà que on est dans des conditions sociales, en tout cas relativement délétères par rapport à leur société, s'il faut venir encore rajouter cette déliquescence de la société où personne ne respecte plus personne, ça sera encore plus grave, quoi. Mmh. Effectivement, 1 Timothée chapitre 5 nous signifie que les enfants apprennent à rendre à leurs parents ce qu'ils ont appris d'eux. Et donc, comme le frère Eba signifie, ce n'est que partie remise pour les enfants de mettre leurs parents dans le. Ils ont mis dans la crèche pour maternelle, eux, les enfants mettent dans la crèche, au moins s'il y a un verset biblique qui respecte cela, ils remettent effectivement à leurs parents ce qu'ils ont appris d'eux. On les a appris à les enfermer dans les crèches. Les enfants grandissant également trouvent aussi à les enfermer dans les crèches pour vieilles mamies. Voilà, je crois que toutes ces choses, nous allons, avant de continuer, je ne sais pas si vous êtes fatigué, si les médecins sont fatigués, je ne vais pas vous fatiguer les ménages pour longtemps. Nous allons, je crois que nous allons, pendant que vous parliez, j'étais en train de noter certains points, nous allons voir ici l'esthétique et quoi, et les différentes chirurgies plastiques, ainsi de suite. L'homosexualité et la médecine moderne, la sexualité enseignée dans nos écoles sous couvert de préserver nos enfants des risques de MSC, MST, et l'allaitement maternel et la propagation des nourritures artificielles, que faire aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu? Donc ce sont les quelques thèmes que nous allons voir, que nous allons examiner. Aujourd'hui, nous avons vu les mamans qui abandonnent à la naissance, justement, commencent à donner de lait artificiel à leur bébé. Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Pourquoi nous sommes devenus faibles malgré la prolifération de cette nourriture qu'on nous vante aujourd'hui, que ces choses-là sont contiennent de calcium, de magnésium, de vitamines A, B, C, D pour l'enfant, pour la croissance de l'enfant? Pourquoi les enfants sont toujours malades alors que les parents, l'expérience montre que les parents qui naissent, qui accouchent les enfants dans les coins reculés, qui leur donnent du lait maternel, les enfants sont solides. Toutes ces choses-là, nous allons observer tout ceci à la lumière et on va sortir avec une perspective de voir pourquoi en réalité l'industrie de la nutrition et des médecins se cache derrière ces choses-là pour pouvoir faire la publicité. Voulez-vous qu'on continue ou bien on arrête pour ce soir, on conclut à allumer la parole de Dieu? C'est aux médecins de voir. Continue pour moi, si vous voulez. Alors, la sœur Reine, comme continuer, peut-on donc dire que Satan a eu les Européens et les Blancs en général? Très bien, même. Et ils pensent qu'ils sont trop intelligents, là. Ils sont détendus bien, même. Oui. Donc, d'un côté, une frange des Européens pratique ce qu'ils appellent la spiritualité moderne. Et nous voyons effectivement que partout où j'espère qu'on n'est pas en train de tuer un enfant maintenant, euthanasier un enfant. C'est la sœur Reine, ça? C'est la sœur Reine, c'est toi? Non, c'est pas moi. Oui. Le cri ne vient pas de chez toi. Donc, au moins une fois, tu as dit que tu ne tueras plus. C'est chez le frère. Je crois que c'est du côté du Canada, ça. Côté du Canada, coupe le micro. Attends, c'est la sœur Karine, je pense. C'est la sœur Karine. Voilà, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors. Nous avons vu jusqu'ici que la société des Blancs. C'est quoi? Parce que Nathan. Ce n'est pas fermé ton micro. Le micro n'est toujours pas fermé. Et j'ai le droit. Et d'une va. Voilà, vous voyez, nous allons parler des droits de l'enfant face aux droits des. Face à la Bible. Voilà. Je crois que le Seigneur a voulu que cet enfant parle pour qu'on puisse entendre les droits accordés aux enfants pour dislocation familiale. Accordé. Mon micro est ouvert, excusez-moi. Oui, on t'écoute, mais ne t'inquiète pas, l'essentiel a été dit. Les droits accordés aux enfants afin de disloquer. Nous allons arranger le sujet. Disloquer les familles. Les familles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse cet enfant qui est venu pour montrer qu'il a le droit. Voilà. Alors. Dans tous les sens du thème, nous voyons les religions. Lorsqu'on voit la franc-maçonnerie, nous voyons qu'ils essaient de présenter l'image de leur adoration sous la forme moderne au point où c'est assez attrayant. On a comme impression que la franc-maçonnerie, puisqu'ils appellent ça pour le cas des néophytes, ils présentent la franc-maçonnerie comme une philosophie, comme un rassemblement des gens qui étaient là pour des constructions. Mais tous, sans exception, nous savons qu'en réalité, ce n'est que la face voilée, la face visible de l'iceberg, quand en eau profonde se trouve donc le Léviathan qui les conduit. De la même façon, nous voyons la rose croix d'or qui utilise la croix avec la rose. En mettant la croix, on essaie d'amener en état de perte de foi les chrétiens. Et les gens de la rose croix se font eux-mêmes appeler les gens qui pratiquent le christianisme intérieur. Ils se considèrent comme les chrétiens qui pratiquent le christianisme intérieur, c'est-à-dire que n'est pas chercher Dieu à l'extérieur, mais le Dieu qui se trouve à l'intérieur de nous, en prenant des exemples même du Christ, dans la Bible en disant qu'ils prennent la Bible et la franc-maçonnerie aussi, mettent la Bible et le Coran dans leur table d'initiation et ainsi de suite, en utilisant des initiations venant de Salomon, en disant que Salomon était un grand franc-maçon parce qu'il est le constructeur, l'unitaire, le concepteur de la sagesse. Et nous voyons effectivement que c'est le Dieu de ces siècles, le Dieu de Lucifer qui est derrière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, chez les Blancs, permettez l'expression les Blancs, chez les Européens, les Occidentaux en général, tout ce qui sort de là a épeint par avec cette façade de modernisme et de clarté. Et permettez-moi donc de vous le dire, donc, que derrière la beauté et derrière la lumière moderne de cette Europe que nous considérons sur tous ces plans, se cache dans les puissances des ténèbres venues des siècles les plus reculés et désire comme ça implémenter le royaume des ténèbres sur la terre. Donc, toute cette façade-là, on voit, effectivement, vous voyez dans des films, on présente des séquelles, non seulement d'adoration de Marie, on va présenter des séquelles d'adoration de Lucifer, où on va faire des pentagrammes, les gens vont invoquer, puis faire des séances de programmation, des gens qui s'invitent dans les orgies, puis faire également des embrasseries pour montrer la fornication, puis faire pour l'homosexualité. Et en fait, c'est un équilibre qu'il essaie de présenter dans des films. Le plus grave, c'est ces choses-là, le culte des morts, où vous voyez, le cimetière est généralement bien arrangé, bien jardiné, et ainsi de suite, et les gens viennent pour commémorer leurs morts avec des fleurs. En Afrique, on le fait à outrance, on y verse de l'huile sur la tête. Eux, ils disent que non, c'est le culte des crânes. Et chez eux, ils le font, mais de cette façon. Donc, nous voyons effectivement que la modernité ou bien le modernisme présenté par les Européens n'est qu'une autre façade de l'adoration de Lucifer sous la forme scientifique. Donc, la science, derrière la science que nous propose l'Europe, se cache dans les puissances des ténèbres qui ont poussé l'humanité à l'invention et à tous ces choses que nous avons depuis la descendance de Caïn. Alors, ce soir, nous observons l'euthanasie et nous avons conclu, le frère Eba nous a défini l'euthanasie comme l'aide à mourir telle que définie par les dictionnaires de la médecine moderne. L'assistance, aider les gens à mourir doucement. Et nous sommes en train de voir maintenant pour montrer effectivement qu'en réalité, d'après Dieu, personne n'a le droit d'enlever la vie et d'arrêter le souffle de quiconque parce que personne ne peut donner cette vie-là à quiconque ni donner la respiration. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour examiner cela, qu'en réalité, même si quelqu'un souffre, vous pensez que cette personne souffre, son créateur est au courant de lui. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo maintenant qui concerne cette euthanasie pour le cas de cette personnalité-là qui se trouve au Canada. Allons-y. Canada. Bonjour. Il y a des moments où est-ce que je trouve ça dur, il y a des moments où est-ce que j'arrête très dur. J'avais fait deux fausses couches avant d'avoir Joliane, puis je suis tombée enceinte de elle après trois fois, la troisième essai. À cinq mois de grossesse, ma gynécologue m'a dit qu'elle ne pouvait plus me suivre vu le cas de Joliane, c'était trop grave. Fait que j'ai dû être transférée à Sainte-Justine pour le reste de la grossesse. Elle avait une malformation de l'estomac. Puis, il demandait si on était sûr de vouloir continuer la grossesse. Puis, on a parlé ensemble, puis on a décidé qu'on continuait la grossesse. L'intubation, là, ils ont mis son pipeline, ça a commencé. Mais si on aurait pris la décision de ne pas la garder, elle sera pas avec nous aujourd'hui. Joliane est née le 24 septembre 2010 et le 17 septembre de 2012, moi, je faisais de la grosse fièvre. J'étais rendu que je me faisais vomir. Puis là, mon chum, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Après ça, j'ai aucune idée, je me souviens même plus de rien. Je suis parti pour l'hôpital, puis la suite, c'est lui qui peut le dire. J'ai appelé sa mère de bord de la maison, je vais faire une urgence. L'urgence est arrivée. On a cherché. Puis à 4h30 du matin, le téléphone a sonné la même nuit pour juste me dire, Monsieur Bourreau, on a mis votre femme dans le coma. Merci beaucoup. Parce que qu'est-ce qui arrivait aussi, c'est qu'il disait que plus de 20 jours dans le coma, c'était pas bon de laisser une personne branchée. La qualité de vie sera pas agréable pour elle. Ni pour nous, ni pour moi avec la petite. Ils l'ont fait transférer à Jean-Lamontréal. À partir de là, c'était un charme, c'était magnifique. Mais ils ont réussi à la ramener, tranquillement, elle était hors de danger de vie. J'ai juste 47 ans, là. Si j'ai réécouté, là, si j'ai ma femme depuis là, ma petite fille non plus, là. Non, Mais là, je suis content, ma famille est là, puis je suis l'homme le plus heureux qu'il n'y a pas dans la terre aujourd'hui. Oh oui, je les aime tellement. Hein? Je les adore. C'est mes deux femmes. Voilà, voilà. Un appel de Sylvain Shelley et Petite Juliane au Premier ministre du Canada pour le bien de nos familles. Dites non à l'euthanasie sur www.terranianproductions.com. Vous pouvez trouver cette vidéo-là intitulée Euthanasie au Canada, témoignage d'une famille sur YouTube. Alors, frères médecins, nous commençons par le Canada justement. C'est Karine, ça te concerne. Ça, c'est au Canada et c'est chez toi. Tu as vu l'hôpital. Peut-être c'est même l'hôpital où ton mari travaille. Je crois que son micro est coupé maintenant. Oui. Enfin, oui, allons-y. Oui, c'est un témoignage touchant. D'autant plus que ça fait appel au premier ministre afin qu'on abolisse l'euthanasie. Mmh. Donc, qu'est-ce que je peux dire, frère? Je peux dire que souvent, même les païens nous enseignent. Mmh. Hein? Parce que je vais supposer que ces deux personnes qui ont juste cru qu'ils pouvaient être guéris, ils ont eu cette foi-là. Et malheureusement, nous, les médecins, même qui devons donner souvent cet espoir, aux malades, nous défaisons souvent de cette possibilité que le Seigneur nous a octroyée et nous faisons table basse, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage que ce soit la médecine qui encourage les gens à abandonner la vie, la santé. C'est vraiment dommage. Bon, je sais pas. Ce qui est dommage aussi, et fort heureusement, c'est que cette personne ne se trouvait pas de l'hôpital où servait notre sœur Reine, n'est-ce pas? Mon frère, ça se passe partout. Hein? Oui. Moi-même, quand j'étais enceinte, en tout cas, ici au Canada, là, quand tu es enceinte, après 30, je ne sais pas si comment ça se passe en Europe, là, après 35 ans, là, ils sont derrière toi, hein. Toutes les anomalies du monde, ils vont trouver, ils vont te dire, pour finir par te dire qu'écoute, il faut enlever le bébé. Hein. Oui. Donc, si tu n'es pas ferme aussi, tu dis non, tu refuses même certains examens, comme tous les examens qu'ils ont inventés, les chromosomes, si génétiques, à un certain âge, le taux de temps augmente et tout. Si on n'a pas un peu la foi en Dieu, on va se laisser. Il y a beaucoup, moi je connais beaucoup de cas où la femme a tué l'enfant. La femme a accepté qu'on interrompe la grossesse et l'enfant est né en bonne... Enfin, on a interrompu, mais on a vu que l'enfant était en bonne santé. Alors que le diagnostic médical et tous les autres... Exactement. Je dis que la médecine, c'est la médecine à tâtons, vraiment. Et moi, je pense que nous, les médecins, si on a cette grâce qu'on connaît le Seigneur. Et moi, je suis persuadée que le Seigneur peut nous diriger même dans notre thérapeutique, je parle pas bien français là, peut nous diriger dans la manière avec laquelle on soigne les gens, peut nous diriger avec la manière avec laquelle on approche certaines maladies. Je pense que le Seigneur peut nous parler à ce niveau-là, quoi. Et nous dire, voici. Je sais pas si je me trompe, mais je sais pas, nous diriger même dans la manière avec laquelle on va traiter les gens. Ou bien est-ce qu'il faut toujours forcément dire, bon, on va prier. Moi, c'est une question que je pose, hein, frère Junior. Peut-être le Seigneur peut souvent te dire, écoute, au lieu de donner tel médicament, donne tel médicament. Est-ce que ça ne peut pas être possible? Ou bien le Seigneur va juste nous dire, il faut juste prier. Oui, puisqu'il est le Seigneur, on ne peut pas prévoir ce qu'il va dire. Alors, le frère Iba, je pose la question. Voici le cas d'un couple, d'un homme qui a sa femme. Et sa femme est enceinte après avoir subi des fausses couches. L'enfant est mis dans les... Il y a ce que le médecin a appelé l'intubation. Finalement, l'enfant est né malgré les diagnostics et les pronostics des médecins le 24 septembre 2010, d'après les témoignages de l'homme. Plus tard, la femme entrera dans le coma pour 20 jours. Les médecins mettront la pression sur cet homme-là de débrancher. Comme il a dit, il a refusé la tenue ferme. Et la femme ne se souvenant plus de rien, les voilà les deux bien portants. S'il avait accepté l'euthanasie, il n'aurait pas dit et sa femme et son enfant. Quel commentaire fais-tu maintenant? On en revient toujours à la limite, hein, la limite de la médecine. C'est ça, en fait. Voilà. La médecine dit que non, ils ne vont pas s'en sortir. Enfin, la dame ne va pas s'en sortir. Il faut arrêter. Après 20 jours de coma, enfin, ils ont peur des séquelles que la personne va avoir et aller gréver le budget de la santé. Puisqu'il, voilà, c'est vraiment le gros problème au Canada. Quand, ce que la sœur expliquait tantôt, quand il préconise aux femmes à partir de 30-35 ans d'interrompre les grossesses, c'est justement à cause des enfants avec voilà, un retard psychomoteur et tout ça. Voilà. Donc, voilà, qu'ils le font. Donc, et tout ça, ça montre vraiment la limite de la médecine. La preuve, le monsieur a tenu ferme, ben, les deux sont bien portants. Donc, voilà. Et tant qu'on ne met pas le Seigneur au devant, on sera toujours limité. Voilà. Pourquoi donc ceux qui implémentent la loi n'entendent pas tout simplement le cri de ces genre de personnes et puis arrêtent cette chose, cette folie? Le frère Cyril, pourquoi? Mais tu dis que ceux qui font la loi, ce sont les qui? Les chefs de ce monde. Bon, la vérité, c'est que ceux qui implémentent la loi, enfin ça c'est mon avis, hein, ce n'est pas ceux qui sont censés que voter. Mais c'est ceux qui sont tapis dans les ténèbres et qui essaient d'implémenter le plan de l'ennemi pour détruire l'humanité. C'est ceux-là qui mettent les lois, ce n'est pas ceux qui viennent tenir les discours, la fanfaronnade, et qui se font soi-disant voter, qui décident. C'est malheureusement le cas. Raison pour laquelle bon, le cri de telle personne vont tomber dans les oreilles sourdes. Ah ouais. Et puis le frère Bamba a parlé de quelque chose d'intéressant. Pourquoi ils ne veulent pas que les enfants avec des troubles psychomoteurs viennent au monde? Parce qu'ils coûtent cher. Ils coûtent cher. L'enquêtement des enfants coûte cher. Même en Allemagne, un enfant comme ça, là, il te coûte cher à l'État. Il a besoin des prothèses pour ceci, il a besoin de cela, il doit être gardien de tel sang. Donc, ces genres d'enfants gênent la société. Il coûte cher à la société. Ne peut-on nous pas dire que c'est l'esprit de Hitler, ce que Hitler disait dans Mein Kampf, qu'il a publié avec tous ses écrits, où il voulait détruire tous les chétifs, comme il avait appelé les juifs, les chiens et tous les autres pour et puis celles-là, pour pouvoir détruire, pour avoir la race pure, les gens qui sont bien portants, la race blanche, tel qu'il disait. N'est-ce pas cet esprit d'Hitler-là qui a entré dans la médecine? Entre autres. De toute façon, moi, Hitler, bon, lui, il n'était même pas normal, de toute façon. C'était pas normal, ce monsieur. Donc, la sœur Karine a dit quelque chose qui finit par nous interpeller, tout ça. Hein. Plus tu avances dans le Seigneur, plus tu demandes ce que tu fais en médecine. Et puis déjà, avant de commencer la cravale en médecine, je ne sais pas pourquoi il me dit toujours que je ne veux pas cravaler longtemps dans ce métier. Mais je ne savais pas pourquoi il disait ça. Tu commences à comprendre maintenant. Et puis ça, le temps que je me rends compte que je ne pourrais pas tenir dans ce métier. Parce que la perversion ne fait que pousser à l'extrême. La perversion ne fait que pousser à l'extrême. On ne sait même pas où nous réserve encore. On ne sait pas ce qui nous réserve. Parlant donc de perversion, un autre thème, nous allons développer un autre thème, si vous le permettez bien, parlant de perversion justement, nous allons voir l'impurité et la fornication à l'effet visuel. Deux points, la gynécologie et les hommes chrétiens. Nous allons examiner ce thème-là à la lumière de la parole de Dieu. Vous le permettrez, n'est-ce pas? Comment, mon frère? Mais, il dit qu'il y avait un fil au collant, il dit que même ça me tape, il y avait un fil au collant. Perversion, impurité et fornication à l'effet visuel. Deux points, la gynécologie et les hommes chrétiens, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ce sont quelques thèmes. Pendant que vous parlez, je suis en index qui sait comme ça sur mes documents. Vous pourrez voir. C'est vous, les médecins, qui m'inspirez. Et si vous avez des thèmes que vous voudrez que nous voyons, on pourra développer. N'est-ce pas, le frère Iba? Le frère Iba est mort de rire là maintenant. Tout à fait, mes frères. Oui. Même. Il n'y a pas que les gynécologues, en fait. Puisque... Amen, mon frère, c'est ce que je voulais dire, en fait. Il n'y a pas que les gynécologues. Les médecins se déchaînent maintenant. Oui. Non, non, non, il n'y a pas que les gynécologues qui voient, hein. Je suis désolée, mais il n'y a pas que les gynécologues qui voient l'impureté. Hein. Oui. Moi, quand j'ai un patient... Nous allons traiter le cas des gynécologues précisément. Que je dois examiner, je l'examine nu. Hein. Oui, oui. Et s'il vous plaît, je fais même des touchers rectaux aux hommes, donc il n'y a pas que ça. En le regardant droit dans les yeux, la sœur qui tue les gens, là. Et donc, les patients sont... Ils passent d'abord par les médecins généralistes avant d'arriver aux spécialistes. Oui, pour qu'ils qu'il se pervertissent voilà. Encore davantage. Alors, au sorti d'ici, je crois que nous allons devoir faire une deuxième partie qui sera consacrée particulièrement à l'examen de la vie selon la parole. L'examen de la vie selon la parole. Nous allons examiner la suite, la deuxième partie de cet enseignement sur l'euthanasie. Il faut que je vous laisse vous reposer. Nous allons examiner la phase biblique de cela. Pourquoi on ne doit pas supprimer la vie? La Bible déclare dans plusieurs endroits de la Bible, par exemple, que la vie se trouve dans le sang. Et Dieu est allé jusqu'à dire même que le bœuf même qui doit supprimer une vie sera lapidé de mort. Il demandera même la vie d'un homme à un animal qui l'aura tué. Donc nous allons maintenant examiner tout cela dans les Saintes Écritures dans la deuxième partie. Alors, médecin dans la sainteté, qu'est-ce qu'on peut conclure ce soir, mon frère? Ben, on commence par toi. Dernier tour de table. Au sortir de cette première partie. Oui, oui. En tout cas, la conclusion qui sort de façon assez claire, hein, c'est que les médecins sont des tâtonneurs, d'accord. Et voilà, et on est limité en tout point. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Qui a la science infuse, hein, c'est le médecin par excellence. Et donc, clairement, on ne doit pas en arriver à cet extrême qui est l'euthanasie. Il faut s'en remettre au Seigneur. Voici ce que moi, en tout cas, je retiens de cette discussion que nous avons eue. Amen. Frère Cyril, première partie de l'euthanasie face à la Bible, que retenions? Que retenons-nous? Ah, on retient que la médecine censée nous aider en crée de prendre des tournures qui deviennent très dangereuses pour l'humanité. Et que vraiment, que chacun cherche le Seigneur. Que chacun cherche le Seigneur. Et comme il disait tantôt, une patiente le vendredi passé. Va à l'hôpital avec ton cancer. Quand ils vont à bout d'idée, tu reviendras me revoir, je vais te manquer celui qui va te guérir. Ça, c'était le diagnostic que tu l'as donné dans son carnet. Voilà. C'est Karine. Quelle conclusion? Le micro n'est pas ouvert. Moi, ce que je retiens par rapport à tout ça, c'est déjà le fait que on est embrigadé par cette société qui court après l'argent. Et à cause de cela, les êtres humains sont comme enchaînés. Et malheureusement, les membres de la famille, surtout les reportages que tu nous as montrés, on voyait qu'en fait, c'est parce que la famille est fatiguée de faire des kilomètres pour venir voir le malade. Donc ce manque de compassion... Qui est né de tout ça, venant du fait que justement on a créé cette société d'égoïste. Je crois qu'on va mettre tous nos stéthos quelque part et voilà, on va demander à Dieu de nous conduire. Parce qu'il y a tellement de. On fait le tassi, le frère s'est dit qu'on va faire le tassi. Ouais, et les femmes restent au foyer, quoi. On cherche les maris, on se marie, on fait les enfants, on reste tranquille. Voilà. Parce que c'est très difficile, hein, mon frère. Il y a la perversité à tous les niveaux, en fait. À tous les niveaux. Même si on... Quoi qu'on veut faire, peu importe la spécialité qu'on va décider de faire, il y a toujours quelque chose qui nous coule. Et c'est tellement subtil, tellement... On a juste besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur, en fait. Ce Seigneur dont nous avons besoin a signifié dans le livre de Matthieu au chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est ce même Seigneur qui, au sorti du livre de Matthieu, dira que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Et nous voyons effectivement comment, au fur et à mesure, l'iniquité en laissant refroidir, des familles se disloquent, Et nous voyons effectivement l'égocentrisme accentué, l'argent qui est physique, un bout de papier, un tissu fixé par les hommes est en train de contrôler les hommes au point où les hommes s'entretuent à cause de cela. Les médecins décident de donner la mort aux gens pour prendre 15 000 dollars canadiens. Ça, c'est de façon officieuse. Parce qu'on a eu le privilège d'être dans le monde de la médecine pour comprendre ces choses. Donc les gens qui, amusez-vous bien, on vous tue, on prend 1 500 dollars. La Bible déclare que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. L'âme est précieuse pour le Seigneur et c'est cette âme-là, c'est le conflit cosmique. C'est le but même de notre de conflit, de notre planète. C'est la guerre de nos âmes qui est prophétisée dans les Saintes Écritures. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour le salut de nos âmes ou bien pour que nos âmes vont dans la damnation. À vous de choisir, médecin dans la sainteté, bonsoir et à la prochaine pour la deuxième partie. Bonsoir. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom.